Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission, on va vous parler jeux, univers geek et cette semaine de sécurité informatique parce qu'on va parler avec notre expert, M. Pierre-Luc Pelletier, qui va nous parler, entre autres, en fait, dans sa chronique de cette semaine, de la faille de sécurité Heartbleed, dont on entend parler depuis deux semaines. Vous allez voir, si vous êtes intéressé par le côté plus technique, mais écoutez Pierre-Luc, dans les prochaines minutes, ça s'en vient. Sinon, mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler jeu, en compagnie de mon fidèle compagnon, M. Andrew Castegan. Salut Andrew, ça va bien? Bonjour M. Michaud. Et là, Andrew, cette semaine, tu vas nous faire une petite critique de jeu, d'un jeu qui est disponible sur Steam, mais qui est en bêta encore, je crois. Alpha. En alpha, c'est encore, encore plus loin là, dans le, c'est ça, dans le développement. Il n'est pas en bêta encore, il est juste en alpha. Et ce jeu-là s'appelle Space Engineers. On va parler de ça un peu plus tard dans l'émission. On vous rappelle aussi, mesdames et messieurs, j'ai fait ça tantôt, on prolonge le concours Fils de Troie. Donc la semaine passée, M. Guy Bergeron, auteur, est venu nous parler de son dernier livre, donc Fils de Troie. Et on va faire tirer un exemplaire dédicacé du livre. Je dis que ça va être jusqu'à cette semaine, mais j'ai décidé de prolonger avec M. Castegan là, un peu plus longtemps ce concours-là. C'est pas compliqué. J'ai partagé une image un peu plus tôt aujourd'hui sur la page Facebook de Puissance Maximale. Il faut tout d'abord, bien évidemment, aimer la page Facebook de Puissance Maximale et ensuite partager cette image-là en répondant à la petite question suivante. De quelle œuvre littéraire, et là, il y en a deux, donc de quelle œuvre littéraire de l'Antiquité grecque s'est inspiré l'auteur de romans fantastiques, M. Guy Bergeron, pour son dernier roman, justement. Donc, si vous voulez avoir la réponse, évidemment, vous pouvez chercher un peu sur les internets. Sinon, tout simplement, allez au www.puissancemaximale.com, écoutez notre émission de la semaine dernière qui s'appelle Puissance littéraire, et pendant l'entrevue qu'on a fait avec M. Bergeron, ben, vous allez avoir la réponse. Donc, tout simplement, puis après ça, c'est en plus, si vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine passée, ben, vous pourrez tout l'écouter en au complet. D'ailleurs, le bug est réglé. Oui, on a vu un petit bug, et là, c'est réglé, mesdames et messieurs, vous pourrez aller l'écouter, le télécharger cette émission-là. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'est pas à l'écoute. Ah non, on est rapide en plus, c'est ça l'affaire. Ça opère la puissance maximale. Donc, comme vous avez pu entendre, www.puissancemaximale.com pour notre site internet. Et bien évidemment, pour participer au concours, il est essentiel d'aller aimer la page de Puissance Maximale. Profitez-en pour l'aimer et aussi pour partager la page à tous vos amis geeks et non geeks qui veulent découvrir différents aspects de ces cultures-là. Parce que là, on vous le rappelle, mesdames et messieurs, on vous parle de jeux vidéo, entre autres, mais on vous parle aussi de jeux de société, de jeux de plateau. On a même une chronique bière, on vous parle de sécurité informatique, on vous parle du côté académique. Donc, on a différents collaborateurs à l'émission qui amènent une dimension, là, une valeur ajoutée, on va dire ça comme ça, à notre émission avec des nouveaux propos, des nouveaux sujets à chaque semaine. Donc, partagez la page de Puissance Maximale, bien évidemment, pour faire partager notre émission de qualité à tous vos amis. Voilà, c'est dit. Et en plus de tous ces sujets de qualité, M. Castegan, qu'est-ce qu'on a aussi à Puissance Maximale? De la bonne musique. Et voilà. Et là, on va vous envoyer un classique des classiques dans vos oreilles. En fait, c'est pour poursuivre un peu mon petit côté... Boulamite. Ouais, Boulamite de la semaine passée. Et là, on va y aller avec... un petit classique sur lequel je dansais beaucoup à mon époque quand j'étais au cégep. Toi, danser? Ça devait être gracieux. Ah oui, ben en tout cas, plus que là présentement, parce que là, j'ai comme mon look chômeur, donc pas rasé. Ouais, ben je voulais te dire ça, là, justement. Là. Ça sera fait dès demain, M. Castegan. Je me suis mis dans le miroir tantôt, je fais « Ouf, c'est pas très glorieux tout ça, donc je vais me raser. » Une chance que c'est dans ces moments-là que je me sens privilégié de faire de la radio et non de la télévision. Ouais, mais pour ça, tu te rends compte, moi, je me laisse pousser à la barbe pis ces affaires-là. C'est à cause pour pas que tu fasses ce genre de choses-là, Mike. Je compense pour tous les deux. C'est ça. Moi, c'est même pas une question. Je veux me faire pousser à la barbe. C'est juste que j'ai été paresseux depuis la semaine passée. Ben, moi, c'est un mix des deux. Ah, là, voilà. Non, ça va se régler dès demain. Je serai fraîchement rasé juste pour vous, mesdames, qui parcourez les routes de la rive nord et de la rive sud. Et voilà. Et qui voudraient entendre ma. Viril voix, on va dire ça comme ça. Donc, trêve de bavardage et de niaiserie, on vous envoie Jump Around House of Pain dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Vulnérabilité sur contre-mesure égale risque. Cheval de Troie, Spybot, Malware, Firewall. Pour te retrouver là-dedans, il faut que tu écoutes la chronique Sécurité informatique. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une autre chronique sécurité informatique avec notre expert, M. Pierre-Luc Pelletier. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va bien, toi, Michael? Ça va très bien. Et là, Pierre-Luc, on va parler d'un sujet, écoute, que tout le monde, dont tout le monde a entendu parler dans les dernières semaines. Mais là, évidemment, on voulait en parler avec notre expert, nous autres. On va parler, bien évidemment, du phénomène Heartbleed. Ouais, Heartbleed, donc ça fait deux bonnes semaines que ça tourne et ça a même envahi là, les médias mainstream, donc tout le monde en parle en fait. Et puis c'est vraiment impressionnant comme faille, comme vulnérabilité. On parle d'OpenSSL, donc qui est utilisé par tout ce qui est quand vous voyez sur internet du HTTPS, donc c'est du HTTP, mais qui est enveloppé dans donc dans dans du SSL, donc du SSL. Donc il y a un chiffrement supplémentaire, donc l'information que vous échangez avec le serveur en face, c'est chiffré. Donc il y a personne en théorie qui devrait être capable de voir à l'intérieur. Mais donc cette vulnérabilité là est sorti en disant que ça sortait énormément d'informations, en fait tout ce qui était échangé en fait était vulnérable. À partir de cette vulnérabilité là, on était capable d'aller chercher toute l'information potentiellement là qui était contenue puis échangée dans la communication, puis même dans d'autres communications simultanées. Même si on regarde une connexion A avec un serveur, un même serveur, mais avec un autre un client A, ben on peut voir ce qui s'est passé avec la connexion du client B. Donc c'est vraiment ça ouvre carrément le protocole alors que c'était supposé être extrêmement sécur. Ben c'est ça, c'est carrément une faille dans cette méthode, dans cette couche de sécurité supplémentaire dans la transmission de données. Puis là, c'est pas juste deux, trois petits sites qu'on connaît plus ou moins là, qui sont touchés. Là, c'est vraiment des gros noms. Là. Non, exactement. Ben, il parle de... Bon, il y a une statistique qui se promène, qui parle de 66% des sites qui seraient vulnérables. C'est pas vraiment vrai. En fait, c'est plus 66% des sites qui utilisent OpenSSL. Mais pas toutes les versions d'OpenSSL sont vulnérables. On parle plutôt de 17,5%. Ça reste une estimation parce qu'il y en a tellement des serveurs HTTPS comme ça. Mais 17,5%, ça reste quand même assez gros. Ah ouais, c'est énorme. À l'échelle d'Internet, c'est juste énorme, ouais, effectivement. 17,5% donc des sites web qui utilisent du HTTPS, donc le font avec OpenSSL, avec une version vulnérable. Donc, sinon, les autres qui utilisent OpenSSL, mais d'autres versions soient trop anciennes, qui sont bien configurés pour empêcher ça, donc qui n'ont pas activé une certaine fonctionnalité qui est vulnérable, en fait, eux autres sont corrects. Donc, c'est ce qui fait qu'on passe de 66 à 17,5. Là. C'est quand même, comme on vient de dire, là, c'est quand même assez considérable comme faille. Puis là, c'est qu'on dit là, que c'est quelque chose de majeur, là. Il faut vraiment faire attention à ce qui peut se passer avec cette vulnérabilité là. Ouais, c'est ça, il y a rien qui est pas gardé secret là. Je veux dire, il y a rien qui est gardé secret, c'est vraiment on ouvre tout le protocole, c'est comme s'il y avait plus rien. Bon, c'est un peu exagéré ce qu'on dit parce que là, ça prend beaucoup d'efforts aussi en même temps. Il faut réussir à trouver la clé dans l'information qu'on va, en fait, qui sort, en fait, c'est de l'information qui n'est pas supposée sortir. Donc, c'est quand même compliqué à mettre en place. C'est compliqué, en fait, à analyser l'information qu'on reçoit, en fait, quand on veut attaquer un serveur. D'ailleurs, faut dire aussi que c'est pas nécessairement le serveur qui est le seul à être vulnérable. On peut aussi faire la même chose, se faire passer pour un serveur. Attaquer le client, en fait. Donc, ça va dans les deux sens. Là, l'OpenSSL, il faut rappeler aux gens, là, ça se gère à travers le furteur Internet que vous utilisez. Est-ce que ce sont tous les furteurs qui sont affectés? Là, quand on parle de furteurs, là, juste pour rappeler aux gens qui sont moins experts dans le langage, là, on parle d'Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre autres. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont tous affectés au même niveau? En fait, la différence c'est surtout côté serveur, c'est-à-dire que on a par exemple Microsoft qui est pas du tout affecté par ça. Parce que eux utilisent leur propre librairie de connexion SSL, d'échange comme ça de données SSL. Donc côté client, il y a pas vraiment de différence. Mais c'est sûr que Internet Explorer, de toute façon, utilise la même librairie que les serveurs web Windows. Donc il y a vraiment pas de problème. C'est en fait le vrai risque est au côté serveur. Parce que en fait, pour réussir à attaquer en fait un client, il faudrait réussir à se faire passer pour le serveur. Donc il faudrait déjà avoir un peu compromis la machine client. Donc c'est-à-dire probablement jouer avec le DNS. Donc le DNS, je le rappelle, c'est ce qui fait la différence entre le nom, par exemple google.com, et son adresse IP. Donc nous, on essaierait de donner une autre adresse IP pour le rediriger vers notre serveur à nous. Puis là, de là, on commence à attaquer puis à essayer de voir ce qu'il y a en mémoire du client. Mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, les serveurs sont mieux sécurisés. C'est difficile de se faire passer pour un autre client. La facilité, en fait, le problème avec cette vulnérabilité-là, c'est qu'il n'y a pas de trace vraiment de l'attaque. C'est possible de le détecter, mais si on cherche pas cette vulnérabilité-là ou cet échange-là un peu en dehors de la norme d'OpenSSL, en fait, il n'y a aucune trace ensuite, il n'y a aucun log de ces échanges-là. Donc c'est très compliqué a posteriori de revenir puis se dire bon, qu'est-ce qui a été compromis. Donc, puis en même temps, d'essayer de retrouver les gens qui sont allés chercher ces informations-là, j'imagine. Exactement. Donc, c'est très compliqué, en fait, d'aller chercher ça. Ben, c'est juste impossible si on n'a pas déjà mis en place d'autres choses, par exemple, des boîtiers, en fait, qui seraient devant les serveurs web, qui, eux, regarderaient spécifiquement cette attaque-là, cette tentative-là. Donc, mais au côté serveur web, après coup, si on dit « Ah ouais, ce serveur-là était vulnérable, on sait pas depuis combien de temps, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé », ben en fait, on saura jamais exactement s'il y a quelqu'un qui a attaqué et qu'est-ce qu'il a trouvé, en fait. Donc, c'est pour ça que tous ceux-là, en fait, tous les sites web qui utilisaient OpenSSL, des versions vulnérables, en fait, malheureusement, il va falloir changer les mots de passe. Mais en fait, la subtilité, c'est qu'il faut pas nécessairement changer le mot de passe tout de suite. Il faut s'assurer d'abord que eux ont fait de leur côté le travail qui va bien pour arriver à colmater la brèche. Ouais, c'est ça. Depuis avoir la vulnérabilité, puis ensuite, on peut se permettre de changer son mot de passe parce que là, on sait que l'échange. C'est ça, parce que de toute façon, l'échange de ce mot de passe-là va se faire, s'il se fait en version vulnérable, ben, ça revient au même que de garder l'ancien mot de passe. Donc, faut vraiment s'informer sur... en fait, la plupart des sites web, en fait, qui étaient vulnérables, envoient des mails, en fait, aux gens, en leur disant, voilà, on a réglé le problème, maintenant, vous pouvez changer vos mots de passe. Donc, ça commence, là. Mais c'est quand même un peu long. En place, ouais. Là, j'avais une question, Pierre-Luc, rapidement, comme ça, là, dans les... est-ce que tu as les gros noms des sites, là, les plus connus, là, qui ont été touchés par ça? Je pense que Facebook a été est touché par cette... Oui, mais en fait, ils ont eu la particularité, et là, j'ai pas une liste exhaustive, ça s'est fait un peu dans le secret, mais il y a certains gros sites, en fait, qui ont été avisés un peu avant les autres. Okay. Google, ils l'ont découvert eux-mêmes. Donc, en même temps, il y a Google, il y a une équipe sécurité de Google, il y a une équipe de professionnels de sécurité aussi, en fait, qui s'appelle Codenomicon, qui est une compagnie finlandaise, qui eux aussi, à quelques jours d'avis, là, a trouvé exactement la même vulnérabilité. Donc, est-ce que c'est un add-on ou est-ce que c'est le fait que par exemple, il y aurait de l'information, en fait, des newsletters qui seraient suivis par les professionnels de la sécurité, qui auraient, dirigé l'attention de plusieurs professionnels en même temps vers ce genre de vulnérabilité-là. Donc ça c'est un peu une surprise en fait que ça se soit retrouvé en fait qu'il y a plusieurs découvertes à quelques jours d'avis sur un même sujet alors que cette vulnérabilité-là était là depuis un moment. Sachant aussi que on a par exemple les anciennes versions aussi d'Android qui sont toujours vulnérables. La version 4.1.1 précisément. On a donc une version d'Android qui souvent en fait c'est des téléphones qui sont plus supportés, donc qui sont plus mis à jour par soit par Android ou par le constructeur ou même la compagnie de téléphone avec laquelle vous faites affaire. Donc c'est en fait il y a pas vraiment de solution pour certains de ces téléphones. D'autres pourront être mis à jour, mais il faut absolument les mettre à jour à ce moment-là. Donc 4.1.1, c'est la seule version qui est vulnérable, puisque les autres sont configurées de manière à ce que ce soit pas vulnérable ou ils utilisent carrément une autre version d'OpenSSL. Donc et en fait si on regarde Windows par exemple, donc les fameux Windows Phone, même principe que IIS qui est Internet en fait c'est le 2IS ou IIS dépendamment comment en français ou en anglais, c'est le serveur web de Microsoft. Donc lui utilise des librairies qui sont Microsoft, donc c'est vraiment décorrélé, c'est vraiment séparé d'OpenSSL. Donc puis côté iPhone, c'est pareil, il n'y a jamais eu de version vulnérable. À aucun moment votre téléphone iPhone était vulnérable. Donc à ce moment-là, les gens d'Android vérifiaient avec vos versions, bien évidemment. Et là, rapidement pour terminer, Pierre-Luc, qu'est-ce que les gens doivent faire à court terme de leur côté pour se protéger? Je sais que, disons, pour les utilisateurs comme moi de Google Chrome, il y a un petit add-on, là, un petit ajout qu'on peut faire à notre furteur qui s'appelle Chrome Bleed, qui peut nous indiquer quand on arrive sur un site si ce site-là peut être sujet à cette vulnérabilité-là. Ça vous informe à savoir, est-ce que je suis sur un site qui a été affecté à un moment par Heartbleed? En plus, ce qui est intéressant, en fait, il y a des outils. J'ai parlé déjà quelques fois de LastPass, un outil de gestion de mots de passe. En fait, lui, il va indépendamment vérifier donc le certificat, à savoir si déjà est-ce que c'était un site web qui était vulnérable au départ, est-ce que le certificat a été changé. Donc, ça voudrait dire que donc eux ont changé de clé de chiffrement. Donc, autrement dit, ils ont refermé la brèche en arrière. Bien sûr, après avoir patché leur le software, l'OpenSSL. Donc, à ce moment-là, on saurait que maintenant, c'est le moment de changer de mot de passe. Donc, LastPass nous donne cette information-là. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y aura des emails qui vont être envoyés aux clients en disant, bon, notre site était... été affecté par Heartbleed, il faudrait changer votre mot de passe. Mais ça, c'est le genre de mail typiquement en fait qui peut servir pour du phishing aussi. Ben oui, c'est ça. Directement des cas d'hameçonnage là assez flagrant. C'est ça. Donc de l'hameçonnage en disant voilà, vous devez changer votre mot de passe, mettez votre ancien mot de passe et donnez votre nouveau. Mais vous vous rendez compte peut-être trop tard que vous n'êtes pas sur le bon site. Donc, en fait, il va y avoir des mails comme ça qui vont être reçus par tout le monde. Si vous avez envie vraiment de changer votre mot de passe, quittez votre courriel, allez directement sur le site, tapez l'adresse manuellement pour pouvoir avoir accès au site. C'est ça. Si vous cliquez sur le lien qui est dans un mail... il y a déjà un niveau de confiance qui est plus bas. Allez ouvrir votre furteur, vous rentrez le nom de domaine qui va bien, puis vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, ou en tout cas à peu près sûr. Donc il y a toujours le paranoïaque en moi qui dira qu'il y a toujours une chance que ce soit pas le cas, mais en faisant ça, vous faites tout ce qu'il faut pour empêcher ça. Excellent. Écoute, Pierre-Luc, encore une fois, une chronique des plus intéressantes. Puis en plus, justement, vu le phénomène qu'est Heartbleed présentement, là, les gens voulaient être au courant. Merci beaucoup, Pierre-Luc, de nous avoir informés aussi efficacement, encore une fois. Ben de rien, ça fait plaisir. Donc, à la prochaine, Pierre-Luc. À la prochaine. une sommité. Un chirurgien hausse du scalpel et l'autre. Ouais, c'est toi ça, mon oncle. Ouais. Comment tu veux pour être fucké? Appel numéro 2, c'est pas mieux. Appel numéro 3, on n'est pas sorti du bois. Appel numéro 4, je baisse mes défenses. Je me rends à l'évidence. Je ne chante pas pour la crème. Je chante pour les M. Comme dans O, comme dans O le cours. R comme dans redoublé. O comme dans orthopédagogue. N comme examen pour faisable. Me prof est chier, c'est pas comprenable. Je chante pour les M-O-R-O-N avec un S au pluriel. Je chante pour les morons. Je chante pour les cons. Je chante pas pour le recteur de l'Université de Montréal. Je ne chante pas pour le chercheur en maths fondamentales. Je pour des hits, hits, hits, pour les quick, quick, quick. Je joue de la basse pour les derniers clowns et de la git. Pour les petits pas vite, oui, je chante. Pour les moraux, je suis considérablement et inévitablement cool. Je t'élance, voici l'île des cancres, voici le royaume des ânes. Si notre embarcation n'a jamais coulé, on en tire pas autant des habitants de cette contrée. Voici les calottes, voici les paiements des routes, voici l'Eldorado, le pactole, voici le jackpot. Regardez les sapomés devant nos pets. Ici, on va pouvoir enfin écouler notre camelot. Par les gargouillis les plus immondes, des sonorités les plus brunes. Passe sur cette île pour du Haydn. La moindre flatulence résonne comme du Proust. Dans les coquilles vides sur lesquelles on chope un poisson. Oui, je chante pour les morons. Je chante. À l'école et qui porte des barniques, nique. Je prends des hits, hits, hits pour les twit. Je suis le Stevie Ray Vaughan de ceux qui portent des bonnets d'homme. La reine Elisabeth des alphabets, le héros de ceux qui ont zéro, la yatoulade de ceux qui gagnent fort, le messie de ceux qui ont pas compris, le gourou de ceux qui échouent, le grand Raoul de ceux qui coulent, qui ont du trouble, qui redoublent et qui n'ont pas inventé la poudre. Oui, je chante pour les morons, je chante pour les cons, je suis considérablement et inévitablement cool. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi. Le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après notre Pierre-Luc National qui nous a fait sa chronique. En fait, il m'a fait ça hier comme un gentil monsieur avec qui j'ai parlé hier. Et donc, sa chronique sur Heartbleed. Et tout de suite après, vous avez entendu monsieur, évidemment, mon oncle Serge avec son excellente chanson « Je chante pour les morons ». Et mesdames et messieurs, on va tout de suite y aller avec monsieur Andrew Castigan pour parler d'un jeu qu'il a testé. En fait, un jeu qui est en... Alpha. Alpha, donc phase alpha de développement, on va dire ça comme ça. Et le jeu s'appelle Space Engineers. Oui, Space Engineer, jeu qui est développé par le studio indépendant Keen Software House. D'ailleurs, permets-moi d'attraper ton commentaire au bon, M. Castigan. On parle de studio indépendant, j'en parle justement dans ma chronique de cette semaine, dans Le Peuple de Lévis. Espèce d'opportuniste. Ouais, c'est ça, profitez-en. Je dis ça parce qu'on en parle souvent à l'émission, puis on encourage beaucoup les gens à se tourner vers ça. Ben, j'en parle justement dans ma chronique de cette semaine, dans Le Peuple de Lévis, page 6. Et voilà, c'est dit. On salue d'ailleurs Chains Awesome Game et Nine Dot Studio. Oui, d'ailleurs, je parle dans la chronique en question. Monsieur Castigan, excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc, Space Engineers, et le nom du studio déjà? C'est Keen Software Houses. Voilà. Donc, c'est quoi ce jeu-là, Andrew? Est-ce qu'on s'en va construire des stations spatiales? Non, en fait, c'est pas mal ça. Passe à autre chose. Je me suis lancé comme ça. Non, ben en fait, c'est que vous incarnez un ingénieur de l'espace Et il y a différents scénarios que vous pouvez prendre, dans le fond, pour débuter votre partie. Là, est-ce que c'est un jeu seulement single player? Ou... Non, c'est multijoueur jusqu'à 16 joueurs, mon cher. Oh, calvaire, c'est 16, OK. Oui, monsieur. Puis là, ce que tu vas me dire, pour scénario, là, est-ce que ça s'applique tout seul et en groupe ou il y a des scénarios? Tout seul et en groupe. OK, il n'y a pas de scénario spécifique aux multijoueurs? Puis, Non. Ah, d'accord, excellent. Donc, oui, vas-y donc. Donc, dans le fond, au niveau des scénarios, vous avez le Easy Start 1 qui vous donne une plateforme, grand vaisseau et des petits vaisseaux qui vous permettent de soit partir en guerre contre d'autres personnes ou encore de miner, parce que vous pouvez faire des vaisseaux qui servent à miner des astéroïdes. Parce que j'imagine que ça, pour construire, ça prend des ressources. Ça prend des ressources, imagine-toi donc. À la base, Andrew, avant de parler des scénarios, question rapide comme ça, c'est quel genre de jeu, simulation, okay, imaginez gestion, Minecraft, okay, dans l'espace. Oh, OK. C'est qu'il y a du créatif et de la gestion là-dedans. Oui, exactement. Puis là, tu me parles de bataille en plus. Oui, bien, dans le fond, c'est à cause que vous êtes dans l'espace, vous êtes dans un champ d'astéroïdes, vous devez ramasser vos ressources pour construire plateformes, vaisseaux, générateurs de gravité, munitions, c'est oui, ça? Voilà, oui, c'est correct. Ben, j'allais le dire le premier coup de travers, mais finalement, je me l'ai repéré, puis j'ai fait, ah non, je l'ai mal dit, puis là, je leur dis en me disant... Fais-toi confiance, un peu, Andrew. Non, je me fais pas confiance dans la vie, non. C'est à cause de moi qui arrête pas de te reprendre tout le temps. C'est ça, t'as ruiné ma confiance en moi. Voilà, c'est ma faute. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, tu sais, c'est pas un jeu... aussi abouti que Minecraft est rendu, parce que Minecraft... Ça fait quand même quelques années, là. Quelques années, plusieurs moutures. Donc, ils avaient un mode créatif et un mode survie dans le jeu. Et le mode créatif, ben c'est le mode où vous n'avez pas à vous soucier de votre vie, vous n'avez pas besoin de vous soucier des ressources, vous faites qu'est-ce que vous voulez, amusez-vous, et voilà. Moi, j'aime ça, ce genre de mode-là. Là. Et vous avez le mode de survie que, lui, ben il faut que vous ramassiez les ressources que vous avez besoin. Là, il y a le côté gestion qui apparaît à ce moment-là. Exactement, sauf que dans Space Engineer, contrairement à Minecraft, ben vous n'avez pas de bouffe à gérer, vous n'avez pas de bouffe et d'eau à prendre. La seule chose, c'est que votre scaphandre, ben il y a un niveau d'énergie. Fait que si votre énergie est trop bas, ben vous devez aller le recharger, bien sûr, parce que pas d'énergie dans votre scaphandre implique que vous n'avez plus d'oxygène. Donc, vous allez crever. Et voilà. Et au niveau visuel, Andrew, je me demandais ça, est-ce qu'on a quelque chose à la Minecraft aussi ou c'est autre chose? Non, c'est quand même des images très bien. Écoute, je vais me promener, pendant que t'en parles, je vais essayer de trouver des images. Ben en fait, j'ai le site officiel ici avec la galerie de photos que je vais aller mettre tout de suite sur la puissance maximale. Dans le fond, juste pour donner une idée, c'est que le principe présentement, il n'y a pas, tu sais, je disais qu'il y a des scénarios, mais tu sais, c'est vraiment juste des scénarios de départ, là, tu sais, il n'y a pas d'histoire encore, là, c'est à vous de vous faire vos propres scénarios avec vos amis en multijoueur. Puis dans le fond, le principe, c'est que, ben bref, mec, t'arrangeras le post parce qu'il a mal posté, mais il est là. Je vais aller voir ça. Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, c'est le but, c'est tout simplement de faire qu'est-ce que vous voulez dans l'espace. Vous pouvez jouer en multijoueur jusqu'à 16 joueurs et même possiblement plus au niveau des mises à jour qui va s'en venir. Et au niveau du jeu, excusez-moi, au niveau du jeu, ben vous avez comme le principe que vous devez ramasser vos matériaux pour ainsi là créer qu'est-ce que vous voulez, que ça soit une station spatiale, un satellite, un vaisseau spatial ou encore un battleship. Puis vous pouvez décider de partir en guerre contre les autres joueurs, ça vous tente. Mais c'est ça, ben on peut se la jouer co-op en gang, se monter une armada ou une grosse station ou whatever, ou se dire, ben là, messieurs, c'est la guerre, chacun dans son coin d'univers, puis on se tape sa gueule. Ben c'est ça. OK. Fait que vous pouvez faire ce genre de choses-là. Puis au niveau des scénarios, c'est ça que je voulais dire. Vous avez comme le Easy Start que je disais, ou que vous avez une plateforme de départ, mais c'est une plateforme sur toute la map pour commencer avec des vaisseaux. Et sinon, vous avez le Easy Start 2 où vous avez vraiment une station spatiale et non pas juste une plateforme. Okay. Plusieurs gros vaisseaux et plusieurs petits vaisseaux. Et après ça, vous avez aussi le deux plateformes où là, dans le fond, vous avez deux plateformes identiques avec relativement le même stock dessus. Vous avez après ça le Crash Site, que ça, c'est un gros vaisseau écrasé dans un astéroïde. Donc, vous avez uniquement le vaisseau, vous n'avez pas de plateforme ou quoi que ce soit. Oh, OK, c'est comme en mode scavenger à ce moment-là. C'est ça, là, personnellement, c'est mon favori. OK. Puis les nouveaux joueurs qui embarquent dans la game, eux autres, ils apparaissent avec une capsule de secours, mais avec un minimum de ressources dedans. Fait que c'est challenge là, intéressant là, pour ceux qui sont mal grinqués, là, on prend ce scénario là. Exactement. Après ça, vous avez le mode de scénario perdu dans l'espace, que là, vous êtes uniquement dans un scaphandre, dans une capsule jaune d'évacuation. Okay. Et là, vous n'avez pas de gros vaisseau, vous n'avez pas rien là, dans la station. Là. C'est encore plus difficile que le gros vaisseau, parce que vous n'avez rien à scavenger. Vous n'êtes pas rendu là encore. Là. Non. Et il y a le mode rien. Oh. Où vous êtes juste un bonhomme dans l'espace. D'accord. C'est peut-être que tu te dépêches à ramasser du matériel pour pouvoir te construire un abri qui va pouvoir te permettre de recharger ton scaphandre. C'est ça. La première affaire à faire, ça va être ça. Ouais. OK, puis après ça, on peut commencer à penser peut-être à songer à développer... Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans, c'est que non seulement vous avez des ressources à ramasser, mais comme le fer à l'état brut dans l'astéroïde, mais il faut le faire en lingot, puis après ça en plaque, puis toutes ces affaires-là. Fait que ça vous prend un assembleur, puis... Si ça vous commence à être compliqué, là. Si vous n'avez pas ça, je dirais pas loin, là. Non, c'est clair. Mais là, je me demande ça, là, t'es là, tu construis tes trucs, t'es un petit ingénieur comme ça. Mais est-ce qu'il y a des menaces extérieures? Des pluies d'astéroïdes. Ouch. OK, moi, je m'attendais à genre des aliens qui allaient t'attaquer. Non, pas encore. Ils veulent... Ben, il y a plein de projets, en fait, là. T'sais, si vous allez la page, parce qu'il y a une page sur Steam, là, au niveau là, de qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que le produit est bien évidemment disponible sur Steam. Et ça, j'imagine, et je te pose la question, Andrew, là, jeu en mode alpha, j'imagine que si on l'achète tout de suite, on va avoir accès gratuitement aux autres versions? Oui, mais c'est ça. C'est que dans le fond, le jeu actuellement est à 19,99 pour une licence unique. OK. Donc, dans le fond, si vous voulez avoir juste un jeu, une licence. Si vous voulez avoir un pack de 4, comme qu'est-ce que nous autres on a fait, c'est 59,99. Mais ça fait en sorte que... Là, tu me regardes, tu dis, by the way, ça m'a coûté 59,99, Mike. C'est ça, ce regard-là? Non, aucune. Donc, tout ça pour dire que... Tu me dois de l'argent, toi. Non, mais tout ça pour dire que, dans le fond, il y a une licence, 4 licences, à 60$ pour 4 licences. Ça revient à peu près à 15$ chaque. Dans le fond, vous sauvez 5$. Mais tout ça pour dire, c'est que le jeu, à la version finale, va coûter beaucoup plus cher que ça. Donc, tu sais, c'est comme leur façon à eux de s'auto-financer. Ben, un peu à la Minecraft. C'est ça. Exactement. Moi, je trouve ça bien, moi. Ben, remarque, c'était 20$ aussi, Minecraft, à l'époque, je pense. Ouais, c'était ça. C'est exactement le même prix. Donc, voilà. Si vous allez, vous pouvez aller vous chercher ça sur Steam, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Puis là, tu es comme ils disent, là, au niveau des choses qui sont en work in progress actuellement. Ben, tu sais, ils veulent mettre des factions, ils veulent mettre du son, genre un petit peu plus de sound effect, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas. C'est assez minimal. C'est assez minimal. Okay. Plus d'animation au niveau là, des pilotes, des nouveaux modèles 3D avec des textures, moins de polygones, ce genre de choses-là. Les antennes et les radars, on peut les faire. Mais il ne marche pas pour le moment. Ah, OK. Ça ne sert pas grand-chose de dépenser des ressources là-dessus. Puis après ça, ben, y a une affaire de déformation au niveau des armures. C'est à cause que il y a comme différents outils, dont un qui est un marteau-piqueur. Et si on utilise un marteau-piqueur sur un bloc qui n'est pas supposé de se détruire avec, ben le bloc il réagit comme un impact. Fait qu'il se déforme. OK. Qu'est-ce qui est pas réaliste. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font pour le moment? C'est qu'ils veulent arranger ça. Après ça, ben les effets de gravité, après ça, ben les astéroïdes et les stations spatiales qui sont présentement immobiles. Donc, tu aimerais ça que ça bouge, ben oui. Que ça soit plus dynamique. Des armes plus grosses, donc des Gatling guns. On peut se promener en vaisseau aussi. Hein. Je veux voir ça, la vidéo, c'est le fun, ça aussi. C'est pas juste la construction, là. On peut aller se promener, explorer. C'est bien nice, ça. Je regarde la vidéo, là, mesdames et messieurs, pendant que nous vous parle, là, je vais mettre le site directement sur Steam pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Là, en plus des photos, là, l'autre lien qu'on a mis avant, c'est une galerie de photos, là, mais quand vous allez voir les vidéos sur Steam, vous allez voir. Il y en a aussi sur le site. Il y a une galerie de vidéos aussi sur le. Bon, en même temps, si vous êtes intéressé à l'acheter, vous serez déjà rendu. Non, c'est bon. Puis c'est en plus, c'est ça, au niveau graphique, je suis vraiment. Je suis pas impressionné, là, mais je suis agréablement surpris, je vais te dire. Je pensais pas que ça serait beau comme ça. Pour un alpha? Ouais, non, mais c'est ça, surtout pour un alpha. Ah, c'est vraiment, c'est très, très, très prometteur. Puis ils veulent rendre aussi des manettes, les joysticks et les manettes compatibles, qui n'est pas le cas actuellement. Ça, c'est juste pour vous donner une idée, ils disent sur le site, gardez à l'esprit que cette liste-là n'est pas complète. Non, et que tout est à sujet de changement. Elle peut être sujet à des changements. Non, ça fait pas encore un an, donc ce truc-là était apparu le 23 octobre 2013, ce petit jeu-là. Puis donc, ils ont fait un bon bout de chemin, moi, je trouve, là, pour le temps. Un truc en alpha qui n'a même pas un an, très, très, très intéressant pour les gens qui sont mordus de science-fiction, en plus, là, qui veulent voir un jeu différent de, disons, des jeux de guerre ou des jeux de roleplay, là. Pis c'est le fun de se rentrer dedans avec des gros vaisseaux, by the way. Ah, c'est bon, ce serait ma première chose que je ferais quand j'essaierai ma licence, Andrew. Moi, te rentrer dedans en vaisseau. Avec un gros vaisseau. Parce que les petits. Le cockpit est assez visible, fait que généralement, tu meurs. Ah. Ça fait quoi quand tu meurs dans le jeu? Tu réapparais ailleurs. OK, c'est bon. C'est pas... Pour le moment, il n'y a pas de réel impact. Puis généralement, ils te font réapparaître avec un shuttle en plus. Ah, okay. La petite capsule. Fait que là, tu meurs plusieurs fois, tu t'en emmènes plusieurs. Fait que là, c'est bon. Après ça, t'es scavenge, puis t'as... c'est bon, ça. Excellent, Andrew. Écoute, on vous parlait, mesdames et messieurs, à moins que t'aies quelque chose à rajouter. Ben, allez l'acheter. Ouais, ben, toi, c'est vraiment... tout ton verdict, c'est aller acheter ce jeu. Oui, ben, c'est un jeu qui vaut la peine d'être... Surtout à 20$, ça vaut la peine de... C'est ça, mais si tu vas dans la galerie d'images, là... Oui. Michael, puis d'ailleurs, chers auditeurs, je vous encourage à y aller aussi. Avant-dernière rangée, image du centre. Tu vas avoir une idée de qu'est-ce que ça fait un impact de vaisseau. Donne-moi deux secondes, là. Je suis en train de loader la page. Ouais, mon ordinateur a de la misère. Donc, tu disais... Dernière rangée... Avant-dernière. Image du centre. Ah, cool. Oh, OK. On peut vraiment éperonner l'autre et le détruire. Ah oh oui. Ah, c'est nice, ça. Ah, c'est intéressant. Allons, la première affaire que je vais faire, c'est décider. Je vais commander un gros vaisseau. Pis, et la deuxième vidéo sur Steam, c'est juste du crash test aussi. Les vaisseaux nice. Qui se rendent dedans. Bon, ben voilà, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir en témoigner... par vous-même, allez visiter ça tout de suite sur le site, sur la page Facebook de Puissance Maximale, les deux liens qu'on vient de mettre, celui sur Steam et l'autre aussi qui est une galerie de photos pour le jeu Space Engineers. Disons, combien de capsules de secours sur 10, M. Castigan, pour un alpha? Pour un alpha, il mérite un 8 facilement. C'est que on a hâte de voir jusqu'à où ça va se développer, ce jeu-là. Donc, Space Engineers, disponible présentement sur la plateforme PC Steam. On fera une critique plus détaillée lorsque le jeu final va sortir. Puis qu'il y aura des grosses nouveautés aussi, on pourra le souligner, bien évidemment. Ah, puis d'ailleurs, le jeu est déjà compatible au modding aussi. Oh, déjà? Oui, il y a déjà des mods qui existent sur le Steam Workshop. J'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont se faire des petits mods de Star Wars, Star Trek. Il y a l'Enterprise. L'Enterprise est déjà là, le Falcon Millennium aussi. Ça m'étonne pas du tout. Mais en fait, c'est intéressant justement de pouvoir jouer avec ces vaisseaux-là en dehors du fait d'un jeu de pilotage de Star Wars ou de gestion, whatever. Donc. Et cracher l'Enterprise dans un Falcon Millennium ou vice-versa. Ah non, ça c'est ça, c'est clair. Il va y avoir des fanboys qui vont se clasher en jouant à ce jeu-là, c'est sûr et certain. Donc voilà, merci beaucoup M. Castigan de nous avoir parlé de Space Engineers disponible sur Steam. Et là on va aller en pause musicale, on va y aller en un doublé musical. Quasiment envie de partir quasiment en pause tout de suite. Là, on va y aller pour deux tunes, une très rapide en fait et une autre un peu plus longue. Deux tunes qui touchent à l'univers vidéoludique. La première s'appelle Legend of Zelda et c'est repris par un groupe très connu qui s'appelle System of a Down. Vous allez reconnaître en tout cas la voix du chanteur. Une tune très rapide et tout de suite après, une excellente chanson, une excellente reprise en fait de thèmes musicaux de Final Fantasy VI ou Final Fantasy III pour ceux qui connaissent seulement la version américaine, la version nord-américaine et ça s'appelle Birth of a God par le groupe Power Glove, donc on s'en va dans le métal. Encore une fois, ça swing à puissance maximale, ça c'est sûr et certain. Ça comme... swing dans le fond de la boîte à bois. Je pense que tu viens de recevoir la médaille pour le gars qui le dit avec le moins de conviction dans l'histoire. Il manquait caisse aussi. Ouais, la bac-caisse. Ouais. Pas la caisse, la bac-caisse. Ben, c'est pareil. Ouais, c'est une bonne idée qu'on ait en musique, M. Castigan. Donc, on vous envoie ça, Legend of Zelda, de System of a Down, et tout de suite après, Birth of a God, de Power Glove. Tout ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9. Allez, vite. Link, here come to town. Hallelujah! Now Link Et oui, de retour à puissance maximale, après cette, ces deux chansons, en fait, System of a Down, la légende de Zelda, on va appeler ça comme ça. Et là, tu m'as regardé avec un air de jugement, je veux rectifier des choses. Il y a eu un indicatif, M. Michaud. Ouais, moi, mes écouteurs étaient comme plus branchés. Bizarrement, il y a un problème avec l'affiche de mon écouteur. Fait que, voilà. Je regardais au clair, là. Je regardais Andrew, je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? J'entends rien. Je m'entendais même pas parler, en fait. Et vous avez tout de suite entendu après Birth of a God de Power Glove tiré de différents thèmes de Final Fantasy VI ou Final Fantasy III, là, pour les non-initiés. Voilà. Et Monsieur Castegan, il est temps de passer en nouvelle ludique. Ouais, ben là, je viens de me rappeler que j'ai oublié d'aller chercher ma nouvelle. Le petit fac. Commence par la nouvelle et moi, je vais chercher ma capsule en même temps. Excellent. Ben, en fait, je vais vous parler d'un truc qui est sorti aujourd'hui. Il y a pas mal de monde à parler, en fait. Un vidéo qui est sorti, une vidéo de 9 minutes sur le multiplayer de Watch Dogs. Ce jeu tant attendu de Ubisoft qui a été repoussé maintes et maintes fois. Et là, on nous parle, en fait, on a déjà vu du gameplay au niveau solo, là, déjà dans le passé. Mais là, on nous montre quelque chose pour le multiplayer. En fait, on vous rappelle en même temps que la plupart des nouvelles que l'on consulte à puissance maximale et dont on vous parle sont tirées du site internet de jeuxvideo.com. Donc, on nous dit que Watch Dogs, c'est ça, ben en fait, dans la vidéo de 9 minutes, il y a différents. Il y a effectivement du tir, ce qu'on a pu constater. Il y a des deathmatch, mais c'est pas des deathmatch qu'on connaît, disons, si vous jouez à Grand Theft Auto, à des jeux de tir, là. Effectivement, vous pourrez tirer sur les gens qui vont être avec vous sur la carte. Mais il y a autre chose aussi, ce que j'avais peur, en fait, en voyant le mot deathmatch à un moment donné dans un article aujourd'hui, j'ai fait j'espère que ce sera pas juste de se tirer dessus, parce que j'aurais été, disons, très, très, très déçu. Mais non, en fait, on va aller ailleurs. Bien évidemment, on vous parle de Watch Dogs. Ceux qui ont suivi un peu le développement de jeu-là savent qu'on parle d'un jeu de hacker, donc de pirate informatique. Et là, ce qui peut arriver, c'est que dans les différents types qu'on a pu voir dans la vidéo, vous pouvez hacker la partie d'un autre. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est un joueur qui s'appelle Colin qui s'est fait hacker par un de ses amis. Cet ami-là était planqué, là. Je dis ce qui est marqué, puis c'est effectivement ça. Dans regardant la vidéo, on le voit. En fait, il est caché dans un camion à taco avec un genre de sombrero sur le camion. Et lui, il hack ce qui se passe. Il se fait voler les données de son ami. Et là, à ce moment-là, le gars qui se fait hacker doit vérifier les gens autour de lui, voir avec son téléphone en faisant des scans qui est le hacker. Puis là, dès qu'il le découvre, là, s'ensuit une poursuite effrénée en auto et en camion de tacos à travers la ville. Donc ça, c'est une des facettes qu'on peut utiliser dans le multijoueur. Aussi, ce qu'il y a, c'est avec une tablette, il y aura possibilité de lancer un défi et de contrôler finalement la ville, donc les trucs, les passages, pas cloutés, mais c'est vraiment des barrières qui se lèvent de la rue, vraiment pour barrer la route au hacker, au personnage principal qui est en train de jouer. Vous pourrez faire ça aussi. Et dernière chose qu'on a pu voir dans la vidéo, c'est un hack en équipe. Donc, on nous donne finalement, pour le moment en équipe, c'est chaque équipe tente de récupérer puis de décoder un fichier. Donc, en faisant ça, bien évidemment, fusillade et poursuite. Donc, c'est sûr que ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir, disons, dans Grand Theft Auto, vu que c'est du troisième, à la troisième personne, on voit notre personnage. Mais avec le petit côté hacking, ça peut amener un petit quelque chose d'intéressant. Encore une fois, je le répète, j'espère juste beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce jeu-là ne sera pas basé, disons, que la majorité de l'espérance de vie, de la rejouabilité de ce jeu-là va être basée sur la campagne solo, sur le scénario, bref, sur la vraie viande qu'on peut avoir dans un jeu, et pas sur ces modes multiplayer-là qui ont l'air quand même intéressants. Ça a l'air d'être des bons ajouts. Mais encore là, parce que j'aurais aimé ça, moi, un co-op. Encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de modes co-op dans beaucoup de jeux qui sortent. Tu sais, tant qu'aller dans le multiplayer, des fois, là, c'est le fun, là, les deathmatch, les team deathmatch, puis les. Mais ça, tu sais, encore une fois, je prends un exemple, Grand Theft Auto. Je veux dire, moi, il y en a des deathmatch, des team deathmatch, puis des captures de la flag. Mais moi, quand je joue avec mes amis, ce qu'on veut faire, c'est des co-op. On veut faire des missions ensemble, aller attaquer des gangs rivales, pour aller voler leurs drogues et les ramener à nos dealers, à nous. Des trucs du genre. Je suis plus ou moins intéressé par les deathmatch. Ça fait que, on en voit encore dans Watch Dogs, mais le petit côté hacking, c'est intéressant. Surtout le fait que, comme ils nous disent, c'est qu'on peut rentrer vraiment dans la game de l'eau, donc ça peut amener un petit thrill de plus. Mais bref, vous pourrez aller voir ça là sur internet, tapez Watch Dog genre 9 minutes trailer ou un truc du genre, puis vous allez tomber dessus assez facilement. C'est encore intéressant, mais là ça s'en vient là, d'ailleurs pour la fin du mois de mai, c'est annoncé, on a bien hâte de voir ça arriver là. Moi j'ai hâte de le tester sur PC particulièrement, mais on a bien hâte de voir. Moi j'ai peur évidemment d'être un peu déçu, je sais pas pour toi Andrew, pas au niveau du jeu là, j'ai l'impression que ça va être un bon jeu, mais tu sais, toute l'attente qu'on se fait, tout le hype là, puis tout l'attente justement qu'on se construit autour de ce jeu-là, puis là qui est tout le temps repoussé, puis finalement on va arriver peut-être avec un jeu très bon. Mais qu'est-ce qu'on a tellement mis d'énergie là-dessus qu'on va dire « Ah, c'est bon, mais... » Non, mais c'est sûr que ça reste quand même inquiétant un peu. Puis il faut dire aussi qu'Ubisoft sont bons dans le... On fait un hype sur un jeu, puis finalement, on arrive devant un produit qui est pas à la hauteur des attentes qu'on avait. Là, juste à penser à Assassin's Creed 3, qui a eu un énorme hype. Puis il y a eu des bugs, il y a eu des problèmes, l'histoire était pas à la hauteur de la trilogie de Assassin's Creed 2. Mais toi, c'est-tu plus le côté développement du jeu qui te fait peur ou le côté bug, justement, le côté technique? Bug. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être quand même capables de faire une histoire assez épique avec Watch Dogs, parce que ça fait quand même un scénario qui est mijoté depuis un bon moment. Mais moi, c'est niveau bug que j'ai peur. J'ai peur qu'on ait le même des bugs du genre du bateau, du Holy Boat de Assassin's Creed 4. Ouais, qui sort des eaux comme ça. Mais en fait, ouais, il y a aussi le fait que ça a été repoussé souvent. Il y a beaucoup de monde qui se disent « Ah, ça a été repoussé souvent, c'est-tu parce qu'ils ont vraiment eu des problèmes au niveau, justement, de la qualité du jeu, au niveau bug ou au niveau technique, là, finalement, ils arriveraient, mais à cause de ça, les gens ont encore peur qu'ils vont arriver devant un jeu un peu mal foutu. » En tout cas, ce sera surveillé, mais un titre très, moi j'ai hâte d'y jouer en tout cas là. C'était un jeu auquel je veux beaucoup beaucoup jouer en 2014, donc j'ai bien hâte de mettre la main dessus, bien évidemment. Autre nouvelle, M. Castéven? Ben en fait, j'ai mon petit fait. Le saviez-vous, mesdames et messieurs? Le saviez-vous? Puis en plus, j'ai même trouvé un top 8 des jeux décevants et ayant coûté très cher. Oh yes! Du jeu vidéo. Fait qu'au pire, on gardera ça pour la deuxième heure, puis on devra donner notre opinion. Écoute, moi, parlant de top, là, moi j'ai un petit top 30 des suites les plus attendues au Japon. Puis on pourra se poser peut-être la question, faire un petit comparatif avec ce qu'on pense ici. Là. C'est qu'on sera une petite deuxième heure avec deux tops, M. Castéguane. Ben oui, on va partir à une nouvelle chronique. Et voilà le top de la semaine. Mais avant tout, Saviez-vous que, mesdames et messieurs? Majora's Mask. Là, je remonte loin, là, je remonte au 64. C'était un jeu qui n'était pas supposé d'exister à la base. Ah ouais? En fait, Majora's Mask existe parce qu'il y a eu des développeurs qui n'étaient pas enthousiastes sur le fait de travailler sur une expansion de Zelda Ocarina of Time. Il était supposé avoir une extension? Oui, il y avait eu un projet qui s'appelait Ura Zelda, qui était supposé être un peu comme une petite suite indirecte, dans le fond, là, de Ocarina of Time. Il aurait fait ça comment? On se rappelle que c'est 64, c'est format cartouche. Non, mais tu sais, ça aurait été comme une petite suite, un peu comme Banjo-Tooie avait été. Ça aurait été un autre jeu, mais ça aurait été une suite directe à Ocarina of Time. Okay. C'est ça qu'ils veulent dire. Et Eiji Aonuma, qui était une des personnes en charge du projet, s'est plaint à Shigeru Miyamoto en disant « Non, on fait vraiment un autre jeu. Là, il peut avoir un lien avec Ocarina of Time, mais c'est un autre jeu. » Et Shigeru Miyamoto, il a dit... Dans ce cas-là, ça sera pas une suite directe, une expansion à Ocarina of Time. Ça va être un full sequel si vous le faites en un an. Oh! Donc, qu'est-ce qui a été réussi? Et dans le fond, c'est ça qui a fait en sorte que Majora's Mask a vu le jour. J'ai pas joué, moi. J'ai adoré Ocarina of Time, puis j'ai pas joué à d'autres Zelda ben après. Ben, Majora's Mask, il était plus dur que les autres à cause du fameux 3 jours qu'il y avait, là. Où il fallait qu'on fasse le jeu, puis il y avait toujours un délai constant de 3 jours et on reculait dans le temps. Mais il paraîtrait, il y a beaucoup, beaucoup de fans. Les gens plus matures à l'époque qui ont joué à Zelda ont beaucoup trouvé que Majora's Mask était meilleur en plusieurs points, plus mature, plus challenging, qui était plus satisfaisant à jouer que Ocarina of Time. Mais des gens comme moi, quand j'étais jeune, je lisais pas en anglais parce que je comprenais pas. Ben, j'ai jamais été capable de me rendre assez loin dans le jeu, puis finalement j'ai fait arc, c'est mauvais et j'ai arrêté de jouer. Ok, ouais. Donc pourquoi que je dis à Nintendo, on On serait dû là, pour un petit portage là, sur une console récente. Là. Ils ont fait Ocarina of Time, là, Majora's Mask, ben, là, ça serait bien. En même temps, à l'époque, c'est ça, je veux dire, Nintendo a toujours été dans la niche des jeunes joueurs, des familles. En faisant un jeu comme ça, je sais pas, ben, au niveau commercial, ça avait-tu bien marché? Oui, quand même. Ça, oui, ça n'a pas été le meilleur Zelda à avoir scoré, mais ça a bien marché. J'imagine qu'il y a mais du surfer sur le succès d'Ocarina of Time. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce qui a beaucoup dérangé? C'est à cause que, d'ailleurs, je vous invite beaucoup à aller sur la chaîne YouTube Game Theorist. Tu nous invites beaucoup? Énormément. Énormément. Donc, The Game Theorist, que tu connais d'ailleurs. Oui, c'est cool. Ça fait qui ont fait un... qui ont parlé de la théorie du fait que Zelda, Majora's Mask, ben, parle de la théorie que Link est mort. Ah ouais? Et que le jeu, dans le fond, c'est les différentes étapes de l'acceptation du deuil de Link sur le fait qu'il est mort. Parce que là, pour les gens qui ne savent pas, Game Theorist, donc c'est le... Je suis en train de chercher sur... YouTube pour le mettre sur la page Facebook de l'émission. Game Theorist, c'est un gars qui fait justement des théories sur les jeux. Il en a fait une excellente sur, en fait... l'innovation du jeu vidéo. C'est ça, la volonté que les joueurs auraient de vouloir avoir constamment de la nouveauté puis de l'innovation dans les jeux vidéo. Il saccage un peu ce fait-là, en fait. Avec des statistiques et des faits assez... j'aime beaucoup ça. C'est vraiment intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'univers des jeux vidéo, mais qui veulent vraiment aller au plus loin. Il y a des trucs plus farfelus, là, c'est sûr, mais il y a des trucs comme vraiment... Comme l'état de santé du Angry Video Game Nerd. Genre, mais il y a des trucs vraiment pensés, intéressants, des belles avenues, finalement, de réflexion sur l'univers du jeu vidéo. Donc, je vais vous mettre la page tout de suite... du Game Theorist sur la page Facebook de Puissance Maximale. Comme ça, vous allez pouvoir aller consulter ces différentes vidéos. Mais vraiment très intéressant si ça vous intéresse d'aller au-delà des jeux, finalement, et de pouvoir vous promener au niveau des théories du jeu vidéo. Voilà, c'est dit. Bref, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est posté, mesdames et messieurs, sur la page Facebook de Puissance Maximale. Monsieur Castegan, j'ai une nouvelle pour vous. Oui. Saviez-vous qu'un joueur a débloqué les 2057 succès de World of Warcraft? Ben, il n'y a pas de vie. C'est ce que je me suis dit aussi en lisant l'article. Et très clairement, il n'aime pas ça, jouer à des bons jeux. Ah, oui, Il y a un peu de ça. Je vais dire comme Éric la jeunesse, envers World of Warcraft... Je suis de mauvaise foi. Oui. Ben, en fait, je dis toujours, si toi, tu as du fun avec ça, tant mieux. Mais chacun ses goûts. Donc, l'article, je vous cite l'article. Donc, les chasseurs de succès viennent de trouver un nouvel ambassadeur, le joueur russe. Et là, c'est écrit en russe, donc là, je ne suis pas capable de le prononcer, avec les caractères russes, donc oubliez ça. Est parvenu à débloquer l'ensemble des succès de World of Warcraft, soit 2057 succès pour un total de 21 995 points. Donc, c'est les gens de Kotaku, un site internet de nouvelles geeks, qui rapportent que ce fou du jeu a également obtenu la plupart des Realm First. Je sais pas c'est quoi. C'est-à-dire qu'il... Ah, ben voilà, on a l'explication qu'il a réussi à être le premier à monter chaque classe au niveau 90 sur son serveur. Toutefois, ses méthodes pour y parvenir n'étaient pas spécialement fair play. Puisqu'après avoir transféré ses personnages sur un serveur peu fréquenté, il a demandé à ses amis de tuer les joueurs prêts à atteindre le niveau fatidique. Donc, c'est un petit peu croche, le monsieur. Un petit peu. Mais comme dit notre ami Antoine Daniel, c'est normal en Russie. Et voilà. Tu prends la bus avec un AK-47, c'est normal. Tu te fais pas dévisager, rien de ça. C'est sûr que si tu joues à World of Warcraft, ça se peut que tu sois croche un peu. Donc, cette personne-là compte poursuivre son exploit. Poudre. Ouais, ça a poudre. Tu as déjà joué à World of Warcraft, ça a poudre. En Russie, oui. En Russie, non, c'est ça. Donc, ce joueur russe compte poursuivre son exploit en s'attaquant au succès de Worlds of Draenor lorsque la cinquième extension de World of Warcraft paraîtra en fin d'année. Qui, justement, c'est ça, ça va être Worlds of Draenor. Encore une expansion. Ouais, mais à chaque année qu'il en sort un, il dit c'est le dernier, puis il en sort toujours. Ouais, mais à chaque fois, ils font on en va donc bien. Bon, on va continuer. Tu sais, ils sont pas fous, ils sont corrects aussi. Là, je veux dire, ils font de l'argent avec ça. Mais comme on dit à nos fidèles auditeurs, vous savez, l'acheter, c'est l'adopter. C'est ça. C'est comme Call of Duty. Ben, dans le fond, allez regarder la vidéo de Game Theorist. Il explique bien ça. Non, c'est ça, sur l'innovation dans le jeu. Là. Allez regarder ça, vous allez voir, ça explique bien les choses. Et mesdames et messieurs, après cette nouvelle ludique, on va se passer en pause musicale et on s'en va entendre un de mes favoris, M. Bernard Adamus, qu'on entend souvent à l'émission. Et là, on va entendre son excellente chanson « Fulton Road », qu'on a entendu d'ailleurs pour les gens qui suivent la série, ben, qui suivaient parce que là, c'est terminé pour cette année, mais la série de Martin et Matt à TVA, « Les beaux malaises », l'avant-dernière ou l'avant-dernière épisode de la saison qui était sur l'infidélité. L'épisode se termine sur cette très belle chanson de Bernard Adamus. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles, mesdames et messieurs. « Fulton Road » de Bernard Adamus sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Chacun dans nos belles, dans mon sunset, les détours de l'amour, les cul-de-sac au lever du jour, nos bébés qui baignent des faux semblants qui nous ressemblent comme des fauves qui tremblent, un soleil de décembre. Un souvenir glisse sur mon corps de bois. Globe, globe dans mon gosier qui stagne pas. Les pièges de la nuit remplis de rire et de femmes. Une chance glisse au réveil et sa lenteur le vacarme. Des biscuits pis des jokes avec un vieux mur crasse. Remplis tout pis de silence, y'avait ta pochette voisin. La smoke à mon bec qui me rappelle l'odeur de ta main. L'aimera pas, la marguerite chante son refrain. Mais là, faut que je parte, le moteur passe, c'est déjà l'eau. Monsieur, enfin, j'ai le cœur sur Fulton Road. Pas d'ouvrage, pas de métier, j'me retape un Nina Simone. I'm gonna drive you away. Pété dans le fond d'un Greyhound bus, j'pognais la 10 up and down. En testant les crosses, j'envoie Carlos qui gueule dans le mic, qui swing des riffs à coups de pelle. On était super de haut à Bum et Sahwell. Mais là, faut que j'parte le moteur, passer déjà l'eau, monsieur. Enfin, j'ai le cœur. My name is Greg Smythe. I'm from OUU, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Bernard Adamus et son Fulton Road. Et on continue avec M. Castagan et son top 8 des jeux les plus chers et les moins appréciés, on va dire ça comme ça. Ben, en fait, les jeux les plus dispendieux, t'es d'enfants produits, et qui ont été extrêmement décevants. OK, ben allons-y, on aura encore 8 preuves que c'est pas parce qu'on met de l'argent dans un jeu que c'est des bons jeux. Effectivement. Alors, encore une fois, on vous ramènera au studio indépendant. Puis on pourra donner notre opinion sur la chose, si on en a un. Allons-y, M. Castagan, en position numéro 8. Je pense que je vais te donner le contrat de dire les numéros, c'est tellement merveilleux. Ah, c'est bon. Donc, en huitième position. En huitième position. Duke Nukem Forever, jeu sorti en 2011. Ah ouais, ça a coûté si cher que ça? 30 millions de dollars et 10 ans de production. Ah, tout ça pour ça? Oui, monsieur. Ah, 30 millions. Ah. Tu sais, déjà que j'étais déçu du jeu, que le jeu était vraiment ordinaire, puis là, je vois le montant qui a été mis là-dedans. Je dirais ceci, wesh, caca. Arc, 30 fait millions. Ouais. Gearbox, restez dans Borderlands. Laissez du Nukem tranquille. Laissez ça à ceux qui veulent faire quelque chose de bon. Interception. Ouais, laissez-leur ça, là, qu'on ait un bon vieux Duke Nukem à l'ancienne, puis voilà. Numéro 7. Je veux pas penser trop merveilleux comme décompte. C'est bon. Donc, Enter the Matrix, 2003. Ouh, au niveau de la vue, ça. Alors, c'était quoi comme jeu déjà? C'était un genre de jeu d'aventure à la troisième personne avec un beat'em up à la Matrice et un bullet time à la Max Payne qui répondait pas bien pantoute. Ok. Puis c'était plate. Il y avait du potentiel, par exemple. Il y avait du potentiel. Mais... Les trailers, là, c'était dans le épique, là. Mais une fois que tu commences à jouer, c'était comme... Ouah! Les trailers, c'était pas avec beaucoup de cinématiques des films, genre? Ouais. Uh-huh. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que je l'ai acheté, ce jeu-là, M. Michaud, à l'époque. Parce c'était que sur quelle console? C'était PC. Arc. Mais il l'a eu aussi sur... de mémoire, c'était au PlayStation... 1 ou 2. Ouais, on va promener un petit peu. Là. Mais tout ça, je veux dire le montant que ça a coûté. Ouais, vas-y donc. 20 millions de dollars. Ouch. Mais il faut dire qu'à l'époque, il faudrait faire peut-être un transfert en argent courant, marque, tu sais, ça fait quand même juste 10 ans. Là. Mais quand même, hey, 20 millions pour ça. Wesh. T'as un peu. Enter the Matrix. Disponible sur. Ah ouais. Sur PC, GameCube, PlayStation 2 et Xbox. Ah bon, ouais. Voilà. La GameCube, moi, je savais pas. Je suis en train de passer à la version GameCube. Ça devait pas être très beau, hein. Voilà. Avec une manette toute optimisée pour jouer. Je l'aimais bien, moi, la manette de GameCube. Un gros bouton vert. Ouais. Ben, elle était sturdy. Hein. Elle était solide. Ouais, non, c'est sûr. T'as scrappé pas, contrairement à la manette de 64. Numéro 6. Beyond Two Souls, 2013. Ouais, jeu, entre autres, il y a Willem Dafoe qui est dedans, Ellen Page qui font les voix, puis on s'est vu aussi au modeling des personnages, qui a été vraiment ramassé par la critique. Juste pour ça, j'aimerais ça l'essayer. Parce que Heavy Rain était excellent. Ouais, c'est les gens qui avaient fait Heavy Rain. Mais tu sais, quand une fois, tu faisais extraction du fait que ça reste un film interactif. Oui, là, c'est ça. C'est pas un style de jeu qui est fait pour tout le monde. Mais moi... Pour une fois qu'on avait un jeu avec vraiment une histoire intéressante et tout, moi j'étais dedans à fond. Là. J'avais beaucoup aimé le jeu. Mais là, tu sais, je m'attendais à beaucoup de choses venant de leur studio, mais visiblement, les critiques ont pas été. Peut-être parce que c'est un jeu qui était trop innovateur, peut-être. Ouais, mais ça, cette excuse-là, là. Vous savez, je suis poète. Les gens ne me comprennent pas. Je suis en avance sur mon temps. C'est aussi crétin que ça. Donc, voilà. 27 millions de dollars. Oh, quand même. Mais, tu sais, mettons, 27 millions avec la qualité. Puis... Marc, à l'époque aussi, il travaillait fort sur les jeux, là, même si c'était laid. Là. Je veux dire, on a les jeux de l'époque où on est, là, mais bon. OK, 27 millions, pas si pire. Vas-y donc pour le numéro 5. Celle-là, j'ai été surpris parce que j'ai quand même apprécié le jeu. Elle est noire, 2011. Ouais, ben en fait, c'est sûr que ça coûtait un bras et une jambe à cause de la fameuse qualité au niveau des visages des personnages qui est encore aujourd'hui, assez impressionnante. Mais moi, ce que je m'étais fait dire, j'avais joué un peu comme ça, mais j'avais pas beaucoup joué. Je m'étais fait dire par beaucoup de gens que oui, le jeu est cool, mais ça reste quand même assez... pas très élaboré, pas très... tu sais, c'est... L'histoire était pas enlevante non plus. Là. C'était ben bien, fait, mais sans en plus. En fait, c'est à cause que le monde s'attendait à un jeu vraiment à la Grand Theft Auto, parce qu'il y a des scènes de conduite de véhicule. OK. Puis dans le fond, le jeu était pas si open world que ça, et en même temps, on pouvait pas faire qu'est-ce qu'on voulait avec la voiture, parce qu'on est un policier. Donc, fallait respecter la loi, fallait respecter les feux de circulation. C'est sûr que quand on fallait pas rouler sur les piétons. On fallait habitué avec Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, ces affaires-là. On tombe là-dedans. Ben, en fait, moi, je trouve ça intéressant de la part de Rockstar d'y être allé. de ce côté-là, tu sais, ça fait changement. Au-delà de ça, je sais pas si l'histoire était au rendez-vous. C'était pas une histoire uniforme, c'était des enquêtes. Okay, dans le fond, il fallait voir ça un peu comme un... J'allais dire Ace Attorney, mais sans la portion Arc. Avocat. Là. Ça, j'ai eu ça, je... T'sais, dans le fond, c'est que vous allez sur la scène de crime, vous investiguez la scène de crime, vous prenez des indices, vous prenez des notes, vous faites l'interrogation du suspect pour qu'il crache le morceau. Un vrai jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête. Puis, t'sais, le gun, vous le sortiez quand il y avait un témoin qui fuyait ou un gars qui tirait sur vous. Il y avait pas de, vous pouviez pas le sortir quand vous vouliez. Vous pouvez pas frapper quelqu'un comme vous vouliez. T'sais, il y avait vraiment un encadrement. Pas mal plus restrictif que les Grand Theft Auto et autres c'est titres. C'est ça. De... Donc, t'sais, il y a du monde qui ont capoté parce que Elle est Noire, il a pas été descendu par la critique. Il a quand même bien été reçu par les critiques. Il a été quand même bien reçu par les joueurs. Mais somme toute, au final, ça a laissé un petit goût de... Disons que les attentes étaient différentes du produit final. Le monde, on pensait Rockstar, donc ils avaient déjà leur recette en tête. Là. C'est ça. Et tout ça pour combien? 50 millions de dollars. C'est plate, ça, quand ça coûte cher comme ça, puis que c'est pas... Je sais pas s'il était rentable au niveau commercial, mais bon. Très bonne question. Numéro 4. Celui-là, je le connais pas, ce jeu-là, par exemple. All Points Bolton Reloaded 2010. Aucune idée. Dans le fond, ça semble être un genre de jeu de tir en équipe. T'es genre du Team Deathmatch. Puis ça a l'air d'être une affaire de parcours, courir. Okay. Un genre de real-time world. On le connaît pas, finalement. On le connaît pas. Combien? 50 millions de dollars aussi. Aussi? OK. Ça mais on ne pourrait pas élaborer là-dessus parce qu'on ne connaît pas. Non, c'est sûr. Numéro 3. Too Human, 2008. Ça, j'avais regardé ça tantôt, justement, puis ça m'intriguait. C'est quoi ce jeu-là? Ben, c'est un genre de jeu de tir. Il y avait eu un gros hype dessus. C'était supposé être une trilogie. Puis dans le fond, c'était un genre de jeu... attendez un peu, je vais juste me sortir une image pour être sûr que je dis pas n'importe quoi. Parce que j'ai comme un genre de jeu en tête, mais je veux juste être certain que c'est le bon jeu que j'ai en tête. Ouais, c'est ça. Fait que, on jouait des genres de demi-dieux, puis on se battait contre des genres de Léviathans. Ça se passait dans un genre de monde futuriste un peu, avec des robots, puis plein d'affaires de même. Là, puis le monde a des genres de pouvoirs psychiques. Mais il y a eu comme un genre de gros hype là-dessus, parce que c'était supposé d'être le jeu qui allait torcher tout. Puis finalement, ben ça finit par être un jeu bien ordinaire, finalement. Il était pas mauvais. C'est juste que on prétend bien des choses à qu'on fait le marketing puis la promotion d'un jeu. Finalement, le jeu arrive, on fait « Ah, c'est juste ça. » Fable. Mettons. Moi, je dis ça comme ça. Combien? 60 millions de dollars. Oh. Numéro 2. Crysis 3. Ah ouais? Ouais. Ben, j'avais joué un pack Crysis 2, puis j'avais été, waouh! Ben, il faut que les jeux de tir, en tout cas. Mais. Ben, Crysis, c'était cool, parce que la signature de Crysis, c'est l'engin. Tu sais, c'est quand il y a un nouveau Crysis, c'est qu'il y a un nouveau. Ah, il est beau. Il y a un nouveau Crysis Engine. Ça, c'est beau, ça je l'avoue. Mais, c'est... somme toute, à part Crysis 1, qui était le principe de la nouveauté de Crysis, mais tu sais, il offrait une expérience qui était quand même très, très satisfaisante au niveau du jeu. Mais Crysis 2, c'est là qu'on a commencé à voir un peu que le concept s'essoufflait, parce que oui, il avait mis certaines nouvelles affaires, une nouvelle histoire, mais tu sais. Crysis, l'histoire est pas si hop que ça. C'est les jeux de tir en général, là, les histoires les plus intéressantes que j'ai vues à l'époque, il y avait les Fear, qui avaient des histoires le fun, mais mettons que c'est pas la grosse force. Là, ben c'est ça, là, avec Crysis 3, que t'sais, c'est juste Crysis 2, mais avec un arc. Donc, assez décevant pour les gens qui... Qui était fan de Crysis. C'est ça. Puis c'est combien? Là? 66 millions de dollars. Ouh. Et mesdames et messieurs, en première position, Disney Infinity. What? Pour vrai? Ouais. C'est quoi ça? Mais t'es. Vous avez sûrement déjà vu ça dans vos Walmart et Target de la région. Il y a comme une petite frénésie avec un jeu qui s'appelle Skylander. Ouais. Qui est un genre de petit jeu beat'em up. On connaît ça. Où vous avez acheté des figurines, vous avez un genre de petit plateau, puis vous mettez les bonhommes dessus, puis les bonhommes prennent vie. dans votre télévision, puis vous faites du beat em all. Wow. Ben, Disney, on fait, ben, en fait, premièrement, faut que vous sachiez que Skylander, c'est vraiment une mine d'or actuellement, là. Oh, il y a des nouveaux jeux qui sortent, là, puis, on est sous avec ça, là. Ouais. Puis Binox aussi, parce que c'est développé aussi avec Binox. By the way. Ah, c'est pas Ubisoft, c'est Binox. Excusez-moi. C'est Binox. Excusez-moi. Donc, Binox, excusez-moi. Fait que, ils sont juste un en face de l'autre à Québec. C'est pour ça que je les mêle. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une mine d'or, ça, là. Parce que là, le monde, ils sortent des nouvelles figurines. Là, t'as les éditions claires, t'as les éditions qui allument dans le noir, t'as les éditions de la série Swap, t'as les éditions de la série Giants. Ça marche avec les jeunes parce que là, t'as ta figurine dans le jeu, mais t'as une figurine à la maison. Ben c'est ça. En plus. En plus. Et c'est sûr que c'est un bon. C'est un deux pour un. C'est un deux pour un. Puis avec Swap Force en plus, mais t'as au-dessus de 250 combinaisons parce que les bonhommes, ça sépare en deux. Fait que tu peux mettre le top sur le bas d'un autre bonhomme. Puis ça fait un bonhomme avec un nouveau pouvoir. C'est bien pensé. C'est très bien pensé. Mais tu sais, ça reste. Moi, je connais des parents qui trouvent que qui c'est pleurent trop. Leur vie. Qui trouvent que c'est trop bien pensé. Et, ben, Disney, quand ils ont vu ça, ils ont fait comme. Oink. On a un potentiel avec ça. On va faire un jeu qui ressemble à ça, mais avec les franchises de Disney. Fait qu'ils ont fait un genre de jeu sandbox où t'achètes dans le fond des figurines de tes personnages pour pouvoir les jouer dans le jeu. Avec des genres de petites plaquettes là, qui débloquent des outils puis des choses que vous pouvez utiliser dans le fond dans le jeu. Sauf que le jeu finalement, il est pas à la hauteur dans le fond là, que Skylander ben a, non, là, c'est pas aussi le fun que Skylander. Là, t'sais, que d'autres qui ont regardé ça, Strike to the Point, c'est un beat'em up. Là, t'sais. Non, non, c'est ça. Et veux-tu savoir comment que ça l'a coûté? Ben non. 100 millions de dollars. Aïe, aïe. Hey, Disney, ça va pas bien. Là, avec les Lone Rangers, les Jack... C'est-tu Jack... c'est quoi le nom du film mauvais là, qui était sorti là, pas si long? Ben là... je vais aller checker ça. Là, où c'est John Carter, je pense. En tout cas, tu sais, ils sortent vraiment des navets. Ben, pas. On marque juste des navets, je les ai pas vus, là, mais. Tu sais, des flops commerciales au cinéma. Deux dans des années approchées. Plus des trucs du genre. Il faudrait peut-être que les gens de Disney se parlent, les différentes sections, là, parce que ils vont manger le bas. Il y a des coupiers qui se perdent. Ah, ça, c'est clair. John Carter, c'est ça. Un film, ma foi. Qui avait été vilipendé, on va dire ça comme ça, par la critique. Et puis les gens étaient pas au rendez-vous, disons, au niveau des salles. Donc c'est ça que ça a donné. Mais, et donc, vu aussi pour Lone Rangers, il y a l'année passée. Et ben là, pour les jeux aussi, ça a l'air qu'ils ont des problèmes. Donc, on va leur souhaiter qu'ils aient des meilleures décisions dans l'avenir pour renflouer les coffres. Mais bon, ils ont Disneyland, ils ont plein de patentes, ils ont. Des channels spécialisés. Ils ont Star Wars, ils ont Marvel. Bref, ils sont pas trop à plaindre. Voilà. Hey, merci beaucoup, M. Castegan, pour ce top 8. Ça me fait plaisir. On voit qu'il y a de l'argent bien investi dans l'industrie du jeu vidéo. Et M. Castegan, il est temps de repartir en pause musicale. Cette fois-ci, on s'en va entendre un de tes choix personnels, M. Castegan. Tu m'en avais parlé il y a deux semaines. Elle est au rendez-vous, cette chanson. Ouais. Et c'est la chanson She-Wolf de Megadeth. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Mother of all that is evil. Her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. Of the enchantress. My name is Leo Zelovinsky. I work for Turbine, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Je suis au-dessus de mes affaires. Moi, je suis à côté sur le dossier de ma chaise, tranquille. Et vous venez d'entendre She-Wolves de Megadeth. Et mesdames et messieurs, il est temps de poursuivre ces nouvelles ludiques. Et cette fois-ci avec un autre top, celui top 30 des suites de chefs-d'œuvre les plus attendus. Je l'ai pas. Fait que je te fais 100% confiance. Ben, je vais t'envoyer le lien, mon cher Andrew. Est-ce que c'est moi qui fais les voix du top avant que t'aies dise? Tu peux bien. De 30. Non, mais on le fera pas comme ça, par exemple, parce que 30, ça commence à être long. Mais c'est juste pour vous dire un peu ce qu'il y en a. En fait, c'est le magazine Famitsu qui a monté ce top-là. En fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux de rôle, bien évidemment, les JRPG. Donc, okay, je viens de voir le numéro 1, puis je suis comme, ah, come on! Les Japanese role-playing games sont très, très, très... populaire au Japon, bien évidemment. Ah, ok, non, ça, c'est les suites qui ont hâte, qui sortent. Ok, oh, oui, non, c'est ça. Je pensais que c'était un genre... quel jeu de la franchise? Non, c'est bon, parce que j'allais partir encore sur un rant. Non, parce que t'as la franchise, puis à côté, t'as le dernier jeu qui est sorti. Voilà, donc on va faire ça rapidement quand même. Là, on passera pas 2 heures là-dessus, mais quand même, il y a des titres intéressants. Au numéro 30, Devil May Cry. On vous rappelle que le dernier titre, c'était DMC. Excellent, d'ailleurs. Oui, j'avais bien aimé ça. J'avais bien aimé le côté trash. Il me semble que c'était plus. C'est Marcus des Deux Snows d'ailleurs que ma copie là en train de. Je sais pas s'il l'a fini. Sans farce, j'avais bien aimé le côté trash. Parce que je me rappelle pas dans les anciens si c'était aussi trash que ça. Ben, moi j'avais joué au 4. Il me semble que lui il était une petite coche au-dessus. J'ai bien aimé l'esthétique et bien évidemment l'action. C'est d'excellents jeux d'action. Oh, le pire c'est qu'on était vraiment pas convaincus. Non, ben il y a pas mal de monde qui était pas convaincu. Finalement, on commençait à jouer à ça. Je fais OK, respect, ça va. C'est très bon. Ça torche. Numéro 29, Shin Megami Tensei. On sait pas, moi, je sais pas. Moi, je sais c'est quoi. C'est la même série que les Persona, puis tout ça. Ah, là, okay. Sauf que, t'es, c'est pas Persona, là, mais t'es, c'est dans la même famille. D'accord. Au numéro 28, Castlevania. Vous savez que j'essaye les derniers titres qui sont sortis. Ouais, je vais en parler avec monsieur Philippe de Beauville. Qu'on voit sur le vidéo, on a fait à Jenny qui est un gros fan de la série, voir ce qu'il en pense, en fait. Je pourrais y en parler de ça. Numéro 20. Ben, permets-moi de finir en faisant. Bizarrement, il y a comme 3 numéros 25, mais j'ai l'impression que c'était des ex-échos, puis après ça, ils sont passés au numéro 28. Oui, c'est ça. Exactement. T'as bien compris. Numéro 25, le dernier numéro 25. On va dire le numéro 27, là, ça va être moins compliqué. Mega Man Legends. Donc, voilà, c'est dit. Numéro 25, Fire Emblem. Oui, ben, je suis bien d'accord avec ça. J'ai joué à Awakening sur 3DS. Là. Excellent jeu de tactique. J'aime pas les jeux de tactique, mais ouais, Fire Emblem, j'aime... Ben, je pense que t'en avais pas parlé à l'émission, oui. Maintenant. Ben, c'est ça. Quand un gars qui aime pas les jeux tactiques trouve que c'est un bon jeu tactique, effectivement, ça doit être quelque chose d'assez solide. Après ça, Dragon's Dogma. Peut-être que c'est bon, ça, mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Moi non plus. On m'en a parlé aussi. Et il faudrait que je regarde. Moi qui. C'est sur Xbox. Hein? Il faut que je regarde. Et là, sur PS3 aussi. Ah ouais? Ouais, c'est sur Xbox 360 et PS3. Je regarderai ça. C'est fait par Capcom. D'accord. Capcom. Oui. Numéro 24, Another Century's Episode. Je connais pas. Numéro 21, Star Ocean. Non, et d'ailleurs, t'as le dernier épisode. Ouais, le Star Ocean The Last Hope qui est sorti en 2009 sur PS3 et 360. J'ai joué une fois. Ça a l'air très bon, mais je sais pas. On dirait que... Tu as perdu la flamme, Mike. Mais m'investir dans un jeu de rôle, un JRPG comme je faisais dans le temps, je sais pas. On dirait que ça me tente plus. Tu sais, je peux jouer des heures et des heures à Skyrim, à des trucs du genre. Quand Dragon Age va sortir, vous allez me battre pendant un bout. Mais là, en plus, c'est ça, je suis comme un petit bout, là. J'ai pas d'emploi, là. Je viens de perdre ma job la semaine passée. Bon. J'ai pas de nouveau jeu, là, à quel m'attaquer, là. Je pourrais me lancer tu dans. Je pourrais te lancer dans Star Ocean. Dans Star Ocean, mais bon. Numéro 21, Shadow Hearts. Ah, je suis parfaitement d'accord. C'est quoi? C'est un RPG. J'ai pas joué aux derniers qui ont sorti qui s'appelle The New World, mais c'est un genre de jeu RPG un peu dark avec des genres de démons. Non, c'était sympathique, mais j'ai pas joué au deuxième, j'ai juste joué au premier par exemple. D'accord. Numéro 21, Byton Kaitos. Je connais pas. Donc, dernier jeu était Byton Kaitos Origin sur GameCube, donc ça fait quand même un petit bout. Dragon Quest. Évidemment. Un des... notre compétiteur de Final Fantasy au Japon, là, une autre grosse franchise de JRPG. Le dernier qui est sorti, c'est Dragon Quest X. Sinon, on va se dépêcher, là, Okami. Okami, je suis d'accord, excellent jeu. Il y avait une version HD qui avait été faite au PS3, qui avait été donnée gratuitement au PlayStation Plus. Une seconde, je voulais continuer à jouer avec mon abonnement infini. Ah. Mais bref, très bon jeu. Très bon jeu. Numéro 18, Chrono Trigger. Bien évidemment, ben là, le dernier épisode de cette série-là, c'était Chrono Cross en 1999. Il y a des gens qui espèrent encore qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette série-là. Est-ce que tu as un commentaire pour ces gens-là? Ah. C'est beau voilà, rêver. Voilà, c'est tout. C'est beau rêver, mais écoutez, moi, tout ce que j'ai à vous dire, j'ai pas joué à Chrono Cross, par exemple. Je sais pas à quel point, si c'est aussi bon que Chrono Trigger, si c'est aussi bon ou juste différent, ou bref, j'ai pas joué, malheureusement. Mais Chrono Trigger, bien évidemment, quel univers intéressant. Un des meilleurs, encore une fois, JRPG qui a été fait de l'histoire. Numéro 17, Dissidia Final Fantasy. Dernier titre, Dissidia 012... Doué de... bref, c'est ça. Doué des Sims. Doué des Sims, Final Fantasy. Voilà. Oui, c'est ça. Numéro 16, Mega Man Battle Network. Que c'est ça? Ben, c'est un genre de RPG. Ah ouais? Dans le fond, c'est que le jeune, il communiquait avec Mega Man. Mega Man était dans un réseau informatique, puis il se battait contre des virus, puis genre, ce genre d'affaires-là. OK. Et l'amateur de Mega Man en toi, on dit quoi de ça? Bon, moi, ça m'a pas... moi, j'étais un fan de Mega Man, Mega Man. OK, ouais, ouais. Ça, dans le fond, c'est... Il y a comme deux clans. C'est un jeu-là, il y a du monde qui ont aimé ça... À fond. À fond, puis il y a du monde qui ont... C'est pas mauvais, mais ça m'a laissé indifférent. OK. Autre jeu, Xenogears, on est à la 15e position. Il y a eu un seul épisode en 98, ouais, sur PS1. Il y a le projet X là, sur la Wii U, là, que ça ressemble beaucoup à Xenogears. On va le souhaiter aux amateurs. Fait que t'es, à mon avis, là, ça a un lien. Au numéro 14, Shenmue. Ouais, mais là, je suis très déçu de notre source. Ils ont fait une faute aberrante dans les dates. Disant que ça datait de 2011. C'est 2001. Voilà, c'est ça. Il y a une petite faute de frappe, je crois. Donc, Shenmue 2, Dreamcast sur 2001, le dernier titre de la série. Ça aussi, c'est quasiment rêvé. Ah, ensuite, mais oui. C'est sûr et certain qu'on y rêve encore et encore. Disons, numéro 13, Summon Night. Je connais pas. Moi non plus. Numéro 12, Valkyrie Chronicles. Faudrait que je l'essaye. Il paraît que c'est très bon. Ouais, Julien, d'ailleurs, a le titre qu'il avait sur PS3. Julien? Ouais. Julien, le collègue expert en comic book. Attends qu'il soit rendu dans son nouveau domicile. Là, non, c'est ça. Je vais pouvoir lui parler de ça. Numéro 11, Seiken de Densetsu. Donc, Secret of Mana. Le dernier titre était Legend of Mana 99. Il y a eu des spin-offs après, là, Children of Mana et Rise of Mana, mais bref. Secret of Mana qui était sorti sur Super Nintendo. Encore une fois, un très bon RPG. Ah, je pourrais me lancer là-dedans. Je l'ai chez nous, puis je l'avais acheté parce que j'étais, oh, ça me prend ça, tu sais, comme un must-have. Ouais, les grands RPG sur Super Nintendo. Et j'ai pas rejoué depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai été tout petit, puis ça fait longtemps que j'ai été tout petit, là. Fait que ça y est. Je pourrais me lancer là-dedans. Star Ocean, il vient de retomber dans le placard. C'est ça, Secret of Mana. Numéro 9, numéro 10, The World's End With You. Je connais pas. Moi, je le connais. C'est un jeu sur DS. Un excellent RPG, d'ailleurs. OK. Numéro 9, Resonance of Fate. Voilà. Je connais pas. Le dernier seul épisode qui date de 2010. Sakura Teisen sur au numéro 8. Donc, de la série, le dernier épisode est Sakura Wars. Numéro 7, Saga. Je connais pas non plus. Numéro 6, Resident Evil, dont le dernier opus est Resident Evil 6 sur PC, PS3, 360. On verra bien, d'ailleurs. J'ai parlé avec Eric La Jeunesse, qui va être là la semaine prochaine pour nous parler d'hier. J'ai parlé avec lui, puis il s'est installé Resident Evil 4 sur son PC. Ils ont fait une réédition à genoux. Ça a pris 5 minutes, il l'a désinstallé. Il dit, contrôle, mal foutu, j'ai eu ça. Ça a pris à peu près 5 minutes. On va y reparler la semaine prochaine. Sinon, la série... On va peut-être avoir le droit à un coup de gueule d'Éric La Jeunesse. Ça serait son premier. Peut-être. À part le CID. Non, c'est ça. Au numéro 5, Tales of, l'excellente série, les Tales of. Tales of Symphonia, qui est excellent. D'ailleurs, je pense que je vais aller me chercher la version PS3. Là. Ce serait temps. Ouais, je vais y aller. Arrête d'en parler, fais-le. Pendant que je suis en vacances, là, je pense que je vais aller me chercher ça. Rejouer à ça, parce qu'il y a comme la suite là, qui est comprise dans la version PS3. Puis aller me chercher aussi Ni no Kuni, qui est JRPG des studios Ghibli. Je vais aller essayer ça, moi. Je suis un gros fan. Là, je suis voir le dernier titre des studios Ghibli, film, un studio japonais d'animation qui s'appelait The Wind Rises, qui a été projeté au Clap à Québec. Excellent dernier film. C'était le dernier film qu'allait réaliser Hayao Miyazaki. Très, très bon. J'ai adoré ça. J'étais un gros fan fini, par exemple. Je suis pas très objectif, mais pour les fans, voilà, allez vous chercher. Donc, ça. C'est une belle œuvre pour tirer sa révérence. Ah oui, sans farce. C'est beau, c'est touchant. C'est intéressant de voir cette partie-là d'histoire japonaise. C'est sur un des designers du Zero Fighter, donc l'avion de chasse de la Deuxième Guerre mondiale que les Japonais ont utilisé pendant la Deuxième Guerre. C'est vraiment intéressant. C'est une autre disons dimension de l'histoire qu'on va chercher avec ça. Sinon, numéro 4, Soikuden, connais pas. Rapidement pour terminer, parce que je dis qu'on n'en parlerait pas longtemps, mais on est encore là-dessus. Numéro 3, Romancing Saga. Numéro 2, Wild Arms. Ouais. Ça, j'avoue que il y a bien des connaisseurs qui attendent une suite à cette franchise-là. Et finalement, évidemment, le numéro 1, Final Fantasy. Les Japonais en demandent et en redemandent de cette franchise-là. Moi, j'ai décroché il y a longtemps, malheureusement. Mais moi, j'ai hâte au prochain. Ouais, on a hâte de voir. On regarde toujours ce qui se fait. Moi, je vais dire quelque chose comme ça. Vas-y, le prochain Final Fantasy, c'est le studio qui fait le très excellent Kingdom Hearts. Non, c'est sûr que toi, c'est, quand t'es grand, quand t'es et fan... Voilà. C'est comme Dynasty Warrior, ça peut pas être mauvais. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était le top 30 des suites les plus attendues au Japon. Comme quoi, on n'est pas toujours d'accord, par exemple. Mais c'est beaucoup, beaucoup de RPG. Les Japonais sont friands. Mais je suis surpris que Kingdom Hearts n'ait pas sorti. Ouais, hein, pas partout. Depuis le temps que le monde demande... En même temps... Il y a beaucoup de réactions. Mais malgré qu'ils ont été, ils sont réguliers sur des nouveaux jeux. C'est ça. Voilà. Donc, c'était un top 30 des jeux les plus attendus au Japon. On verra si il y a une résonance ici en Amérique et en Europe. Et M. Castegan, avant de continuer en nouvelles, nous allons retourner en pause musicale. Et cette fois-ci, ce sera avec les gens de Louise Attaque et avec la chanson Tu dis rien, un autre classique du temps de mon cégep. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Tu penses quoi, toi? Tu dis rien. Une heure de tes bras souffler la colère du monde, voyager, être là, sauver chacune des secondes. Je rêve encore, penser plus vite que mon nom. Vois-tu, je serai roi jusqu'à celui de ce monde. Te souviens-tu de moi jusqu'au son de ma voix? Suis-je si maladroit et tristesse à la fois? Tu vois, je rêve encore, marcher plus vite que mes pas. Mais toi, tu penses quoi? Tu dis rien. De tes doigts, douleur et poussière, mon ange voleur de ta voix, plier chacune des phalanges, me suggérer comme ça, des yeux du bout des doigts, tu vois, je rêve encore, penser plus vite, je veux pas, mais toi, tu dis rien, tu oublies, tu penses à rien, tu souris, mais qu'est-ce qu'on est bien, on oublie, on traverse ces dos, nos basses et poussant, lieu sombre, et toi, tu penses. Quoi? Tu dis rien, je veux bien m'arrêter. Si tu veux danser, moi je veux bien te quitter. Si tu veux bien t'approcher, moi je veux bien m'arrêter. Si tu veux danser, moi je veux bien te quitter. Si tu veux bien t'approcher. Mais toi tu penses quoi? Tu dis rien. Tu penses à rien, tu souris, mais qu'est-ce qu'on est bien. On oublie, on traverse l'eau, nos basses et nos yeux sombres, et toi tu penses quoi? Tu dis rien. Ici Christian Lemay et du Scorpion Masqué, on fait des jeux pour vous amuser. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Louise Attaque. Et tu dis rien, voilà. Et on retourne en nouvelle ludique, Monsieur Castegan. Ah, c'est moi qui commence en plus? C'est toi. Direct pipe comme ça, bang. Drette là. OK. Ben, je vais aller dans mon onglet. Non, c'est une blague. En fait, ben, savais-tu que Batman Arkham Knight serait possiblement repoussé en 2015? Ah ouais? Non, je savais pas. Ben, en fait, le jeu serait attendu normalement le 14 octobre de cette année. Et il serait discrètement repoussé en 2015. En tout cas, qu'est-ce que rapporte le site Bleeding Cool, qui arpente les couloirs de la convention WonderCon? WonderCon, ça c'est une convention de cônes de construction, les plus beaux cônes oranges de l'Amérique à une seule convention. Donc non, c'était WonderCon. WonderCon. Bon, voilà. Cône. Calvados. Je veux m'en aller chez lui. Donc, en tout cas, ils font des méchants beaux comptes. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il y aurait eu, dans le fond, des porte-parole de DC Comics là, qui auraient abordé le sujet, qu'il ne s'agirait plus d'un projet de 2014, mais un projet de 2015. Mais il n'y a pas eu d'annonce officielle. Donc, les gens qui attendaient ce dernier titre de Batman, finalement, de cette franchise-là, ben... surveiller Internet pour savoir s'il y a quelque chose d'officiel qui va sortir, mais possiblement pas avant 2015, malheureusement. Monsieur Castegan, des premières images de Call of Duty 2014. Quoi? Eh oui, les gens de IGN ont diffusé ces images-là du studio Sledgehammer. Donc, on parle d'un rendu photoréaliste des visages qui trahit l'orientation résolument new-gen de ce nouvel opus. On soupçonnait déjà ce troisième studio de travailler principalement pour la PS4, Xbox One et PC. Et en effet, une annonce diffusée sur LinkedIn. Donc, le fameux réseau social qu'on ne sait jamais comment dire son nom, qui sert aux professionnels. Voilà, d'ailleurs, vous verrez un profil Mickaël Michaud se créer dans les prochains jours. Donc, qui appelait une candidature pour une grande famille AAA qui travaille sur un jeu Call of Duty Next Gen. Subtil, subtil. Donc, on apprend également que le titre de combat moderne est en développement depuis 3 ans et qu'il sortirait cet automne. On peut donc s'attendre à du gameplay pour le E3 qui s'en vient rapidement quand même. Là, ça s'en vient pour le mois de juin. Donc, on va sûrement voir des images de ça, mais bon, moi, je sais pas. On dirait, je vais regarder ça, je vais dire, OK, oui, beau jeu, mais... Mais bon, comme à chaque puis fois... Puis on va faire comme moi, hein, c'est le même maudit jeu que les autres fois, là, pas que les graphiques sont plus beaux, puis on rajoute un outarde au lieu du chien, là. Mais bon, écoute, Andrew, on va laisser la chance au coureur? Non. Non. Mais, bon, voilà, donc... Non, mais t'sais, imagine, là, t'sais, on a déjà débattu du piratage responsable, OK? Ouais. Je suis tellement rendu dégoûté de Call of Duty que je suis même plus prêt à le pirater. Non, c'est ça. Même si je serais même pas responsable, ça me tente même pas de le pirater. Non, ça me coûterait rien que ça me tente pas de jouer à ce jeu-là. Non, moi avec, effectivement, il y a plein de monde. Pourquoi monopoliser 15 gigs de ma bande passante pour 2 heures de jeu, t'sais? Bon, entre autres, voilà. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on en pense. En tout cas. Moi, je souhaite toujours que les gens, que l'industrie nous montre qu'on a tort, puis que, mais... Je répète, Game Theorist a prouvé son point. Non, c'est ça, pas besoin d'être innovateur. Les jeux se vendent de plus en plus à chaque nouveau. C'est con à dire, on dit qu'on chiale parce qu'ils nous servent la même maudite affaire, mais... On l'achète. On l'achète en plus grande quantité. Et fait voilà. Que après ça, on se plaint qu'on n'est pas content. C'est comme nos politiciens, hein, on a les politiques qu'on mérite, ben on a les jeux qu'on mérite. On a un ministère de la Santé pas en forme. Voilà. Je rembarquerai pas là-dedans. J'ai pas nommé personne. C'est sûr. J'ai pas lu l'article. Je sais pas c'est qui. Non. T'es pas au courant, pas en tout, des nominations du cabinet. Non, j'ai pas lu l'article. Je me fie juste aux rumeurs. Voilà. Non, voilà. Pas, les rumeurs. Je te l'ai dit tantôt. Non, mais t'es pas un média officiel, toi, Mickaël. Non. Je suis juste le gars qui a lu le journal. Ben justement, tu l'as lu. Je rapporte des choses, là. Il y en a un là-bas, au journal. Je l'ai pas lu, là. Donc, voilà. Sinon, Andrew, Xbox One au Japon, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ben oui, mesdames et messieurs, ceux qui pensent que quand on lance une console, ben c'est partout en même temps, ben détrompez-vous, parce que la Xbox One, ben ça s'en vient le 22 novembre prochain. En fait, ça a été sorti le 22 novembre prochain. Ça en vient en septembre, en fait, excusez-moi. Le 4 septembre prochain au Japon. Ben quasiment une année de différence. Fait qu'on s'entend-tu que Microsoft sont mieux de s'atteler pour pas l'échapper? Ben ça, puis en même temps, tu sais, je veux dire... Je vais te poser une question. Ça... Est-ce que l'article dit s'ils ont fait affaire avec l'usine du Mexique ou de la Chine? On nous dit pas ça dans l'article. On dit qu'il va y avoir un soutien d'une flopée de développeurs et d'éditeurs ayant souhaité soutenir la démarche, comme le précise le site Gematsu. On parle d'une stratégie cruciale qui a pour but de faire remonter la popularité de la firme sur l'archipel nippon. L'archipel nippon, excusez-moi. Mais elle s'est vendue environ 54 fois plus de PlayStation 3 que de Xbox 360. Hey, 54 fois. Ouch. Donc, c'est ça. T'sais, les autres, ils veulent quand même faire une percée, mais peut-être le pourquoi ils prennent un an pour bien s'aligner. Le line-up de lancement, on nous parle de Forza Motorsport 5, de Kinect Sports Rivals, Dead Rising 3, Rise et potentiellement Sunset Overdrive ou même Halo. Donc voilà, les gens du Japon, c'est juste c'est une petite nouvelle comme ça que les gens disent ouais, on s'en sacre, c'est au Japon, mais c'est pour vous montrer que c'est pas. Mais il y a même affaire pour les films, le cinéma aussi au Japon et en Europe, des fois on reçoit des trucs les autres vont recevoir des trucs. Le Japon, là, les films américains, là, ils peuvent recevoir ça pas mal après nous autres. Fait que... Mais tout ça pour dire, Microsoft, si vous avez besoin, avant le lancement, de nos avis éclairés, contactez-nous. Non, c'est ça. On va leur dire, allez pas au Japon. Perdez pas d'argent là-dedans. Ça vaut pas la peine. Non, en fait, on va leur dire, si vous êtes pour y aller, faites pas affaire avec l'usine au Mexique. Question que les cordons prennent en feu. C'est plus petit, les apparts là-bas. Hein. Fait que le feu va se répandre plus et ça va... C'est ça. Puis ils vont dire, ah... C'est de la faute de Microsoft. Xbox Gaijin, ils vont pas arrêter de crier ça. Voilà. Autre nouvelle, M. Castegan? Il va y avoir un nouveau Project Zero sur la Wii U. C'est quoi? Je suis vraiment loin de mon micro. Je me sens, je suis encore au-dessus de mes affaires. Je suis même à côté le dos. Ça sonnait comme s'il y avait quelqu'un dans le fond du micro. C'est quoi ça? C'est quoi ça, M. Castegan? Ben, c'est un jeu d'horreur développé entre Tecmo Koei et Nintendo en collaboration. Et dans le fond, c'est un genre de jeu où on se promène avec un appareil photo. Et c'est notre seul moyen de défense pour éloigner les méchants fantômes. Mais non, ça devient de plus en plus populaire. Est-ce que ça va être un jeu genre... avec 3DS, tu me disais? Non, Wii U. Ah oui, excusez-moi. Mais pense... Mais j'imagine qu'il va y avoir la réalité augmentée grâce au gamepad pis tout. Mais ils disent pas, mais ça serait un très beau potentiel. Non, c'est ça, tu sais, let's go les gars, vous avez l'outil pour le faire, là. Utilisez-le, s'il vous plaît. Ben c'est ça, puis en plus, c'est une franchise qui est énormément populaire au Japon et qui... perce, là, lentement, pas vite, là, au niveau, là, du... Vas-y. Les Amériques. OK, voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Donc, à surveiller pour les amateurs de ce genre de jeu-là et qui possèdent une Wii U. Et j'aimerais ça faire une petite parenthèse pour souligner quelque chose qui est arrivé lundi. Oui, lundi. T'as perdu tes os. C'était un petit gars, mais... Non, mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé lundi, il y a 25 ans? Ah, je l'ai lu cette semaine, puis là, ça reste comme un blanc. En 1989. Honte à moi. Non, vas-y donc, nous. C'était la sortie du Game Boy. Oui, Game Boy, qui se souvenait son 25e anniversaire. Lundi, le 21 avril, en 1989, sortait. Je suis pas un gros fan de consoles portables, mais j'ai joué beaucoup, beaucoup avec ma Game Boy à Link's Awakening, ouais. Et à Pokémon Rouge. Oui. Et juste pour vous donner une idée, à l'époque, c'était quelque chose. Cette console-là avait vendu 300 000 unités. En fait, deux semaines, il y avait 300 000 unités disponibles et ça a pris 2 semaines à les vendre. Voilà. Fait que c'était quand même vite. Il t'a pas le prix, hein? À combien ça se vendait à l'époque? Non. Ah. Pas dans l'article en avant de moi. Mais bref, bonne fête Game Boy. Oui, puis je trouve ça très drôle parce qu'il faut se dire aussi que le Game Boy a eu un appareil photo. Il y avait une imprimante. Mini-imprimante. Une machine à coudre. Quoi? Pas vrai? Oui. Ah, ça j'étais pas au courant. Machine à coudre, ah ouais. Oui, il y avait une machine à coudre Singer, puis on pouvait choisir des motifs à l'aide de son Game Boy, puis coudre avec. Là. Ah ben, calvasse. Ah, Nintendo et sa réputation d'être la compagnie aux accessoires pour les consoles. Tu nous le reconfirmes encore une fois grâce à cette machine à coudre Game Boy. Voilà. Merci beaucoup, M. Castegan. Et peut-être une dernière nouvelle avant la fin de l'émission. Alors, on va parler de Dragon Age. Dragon Age! Ça a sorti cette semaine un super trailer. Est-ce que tu l'as partagé sur la page Facebook? Non, mais tu peux le faire, Andrew. Ah, oh, ben, tabarouette. Je t'invite à le faire. En fait, Dragon Age Inquisition qui s'en vient. En fait, ce qui est un super trailer qui est sorti cette semaine. Mais bon, avec ce qui s'est passé avec le 2, on a toujours peur un peu de dire ce jeu-là va être malade, parce que le 1 était, c'était un des meilleurs jeux que j'ai joué au niveau RPG de ma vie. Mais le deuxième était plus ordinaire un peu. Bon, une fois, mais aucune valeur de rejouabilité. Mais là, pour le 3, il y a quand même quelque chose de très beau qui s'en vient, assez solide. J'ai hâte de voir. C'était-tu du gameplay qu'on a vu? C'est juste du cinématique. Mais il faut dire que ça se mêle très bien, les deux. Là. Si on suit à la tradition de Dragon Age. En théorie, c'est du gameplay trailer. Donc, voilà. Non, mais en fait, c'est souvent ce qu'on voit notre bonhomme dans les cinématiques. Quand on voit notre bonhomme, ben c'est à peu près ce qu'on retourne dans le gameplay. Ça fait que ça, au niveau graphique, Dragon Age, même le 1 encore, vraiment pas à rougir encore aujourd'hui. Donc, a été daté, en fait, pour la sortie, enfin. Et là, on nous parle... du 7 octobre prochain ici et le 9 octobre pour l'Europe. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent, parce que là, avec la déception du 2, on espère retrouver l'énorme univers que nous offrait Dragon Age. BioWare semble dire qu'ils veulent ramener un esprit de découverte constante, donc un open world. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, ça s'en vient pour le mois d'octobre, Dragon Age Inquisition pour... Je recheck encore le trailer en même temps que tu parles. Ça. Pour PC, pour Xbox One et PS4. Flemette a de l'air d'être encore là, évidemment. Ah, puis même, il va être disponible sur PS3 et 360. Comment tu disais? Flemette a de l'air d'être encore là, évidemment. Ouais. Personnage, en tout cas... Dragon, ouais. Qui tire du fleu. Du fleu. Ça tombe bien que tu fasses cette erreur, j'allais te dire, c'est le temps que ça finisse, parce que c'est terminé, Monsieur Castegan, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Je veux remercier Monsieur Pierre-Luc Pelletier qui nous a parlé sécurité informatique au début de l'émission. Merci beaucoup, Eric. C'est drôle parce que je dis ça, mais quand j'ai enregistré l'émission avec la chronique avec Pierre-Luc, je l'ai appelé Eric, bizarrement. Là, j'ai hâte de voir Eric la jeunesse la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup, Pierre-Luc. Autant mieux aviser nos auditeurs que ce mois-ci, il n'y aura pas de chronique BD avec Monsieur Materne. Oui, il déménage! Il s'en vient sur la Rive-Sud, donc un peu trop pressé. Non, ça vient pas sur la Rive-Sud. Ah non, pas sur la Rive-Sud. Il va s'en aller sur... Le même coin que toi. Ouais, dans le même coin que moi, où je m'en vais à Québec. C'est le côté anti-Rive-Sud. Non, c'est ça. Donc voilà, il déménage, donc il n'y a pas le temps de venir nous voir ce mois-ci. Mais le mois prochain, Julien sera là. Mais sinon, merci beaucoup, Pierre-Luc, d'être passé à l'émission, on va dire, pour nous parler sécurité informatique. Merci beaucoup, Monsieur Castegan, d'avoir été là. Comment ton habitude? Ça me fait plaisir, Monsieur Michaud. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là. Je vous rappelle qu'il faut aller au www.puissancemaximale.com pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et lire les articles que vous y trouverez. Allez sur la page Facebook également. Le concours. Hein? Le concours. Oui, allez sur la page Facebook, participez au concours Fils de Troyes, partagez la photo Fils de Troyes, aimez la page Facebook et répondez à la question qui est avec la photo et vous courez la chance de gagner une édition, une copie dédicacée du livre dédicacé par M. Guy Bergeron, l'auteur, bien évidemment. Donc, allez aimer la page de Puissance Maximale pour ça et aussi pour la partager auprès de vos amis. Et je vous rappelle, en terminant, qu'il faut surtout passer une excellente semaine de jeu. And I rehearse in my room or what I call the dragon's tomb when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four. Yeah. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique.